Jeudi à 20h, on s'occupe de vos ménages, on agite vos neurones, on ouvre les esprits. Le débat Déo, c'est maintenant sur Radio Gémozo. Bonsoir à tous, bonsoir, voilà on est prêts, on nous entend, l'émission commence pour une fois dans les temps et on m'entend. Nous sommes pour le débat Déo de ce soir en compagnie de nos habitués PJ qui est avec nous. Bonsoir PJ. Bonsoir. Bonsoir PJ. Nous avons Lou, l'animatrice vedette, une nouvelle fois en notre compagnie, nous t'en remercions. Bonsoir Lou. Bonsoir. Monsieur Julien D n'est pas là ce soir exceptionnellement. Cher notaire, une petite pensée. Voilà, le notaire est absent. Nous le retrouverons, je pense et je l'espère, à la prochaine émission. Mais nous avons un remplaçant de Marc, parce que nous avons de nouveau Gaël qui est avec nous. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Bonsoir Gaël. Alors, pour notre rendez-vous mensuel de réflexion, de débat, de conversation animée, un sujet qui, je le pense, je le pense et je l'espère, va attirer de nombreux auditeurs sur le standard de l'émission, car le numéro est le 03 29 62 40 40. Voilà, on le dit avant le sujet et on le redira après. Donc le sujet de ce soir, c'est l'avenir de l'humanité. Oh. Il manque un effet sonore quand même. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui va nous exciter, je pense. Hein, on est très excités ce soir. Bon, alors, pour commencer, moi j'aimerais bien qu'on parle de votre ressenti sur ça, sur le mot avenir, sur l'avenir, parce que chacun, on voit l'avenir différemment, on voit l'avenir sereinement, on voit l'avenir de façon un peu moins sereine des fois, pour l'humanité, hein, on va pas parler d'individualité, on va parler de l'humanité dans tout ce qu'elle a d'énorme. L'humanité, pour vous, elle va dans quelle direction? Elle va dans la bonne direction ou la mauvaise? Ou est-ce qu'on pourrait directement se dire si on est optimiste ou pessimiste sur ce qui risque de nous arriver dans les années à venir? Parce qu'il se passe plein de choses autour de nous. Est-ce qu'on va au droit d'un changement radical? Est-ce qu'on va au contraire à des annonces successives d'année en année? Oh, tout fout le camp, mais finalement ça avance tranquillement et sereinement. Ou est-ce qu'il va, d'après vous, y avoir des changements majeurs dans notre société qui vont nous amener à notre perte et peut-être même à notre extinction? C'était toi, Lou, hein, qui nous parlait carrément d'extinction de l'espèce humaine. Qui commence à parler de ça? PJ, est-ce que tu es un optimiste sur l'avenir de l'humanité? Optimiste ou pas? Non, je ne suis pas un optimiste sur le futur de l'humanité, si tu veux l'entendre. Tout simplement parce que voilà, j'aborde les choses de manière assez réaliste et de manière factuelle, et que j'ai systématiquement l'impression quand j'ouvre, alors c'est sûrement créé par l'anxiogénéité de nos médias modernes, mais quand j'allume mon téléviseur, quand j'allume ma radio, bah, j'entends que des nouvelles défaitistes, et donc j'avoue que ça tape un peu sur mon moral et sur ma confiance à penser que demain ira mieux qu'aujourd'hui. Donc t'y crois pas? Non, de manière factuelle j'y crois pas. Après, de manière, en espérant que ça puisse s'améliorer, c'est autre chose, mais de manière factuelle non. D'accord, donc tu vois un avenir plutôt sombre pour l'humanité. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi la faute de nos médias? D'accord, donc tu penses qu'il y a un état d'esprit actuellement qui... Qu'on nous formate. D'accord. Aussi là-dessus. Tu penses que c'est induit en toi, ton sentiment sur l'avenir est induit par l'extérieur? Bah, on va dire que ce qui fait de l'audience, c'est le fait d'être défaitiste, c'est le fait de montrer des mauvaises nouvelles aux informations. Et puis nous, clients, entre guillemets, quand on écoute les informations, c'est aussi malheureusement, on prête malheureusement plus attention aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Voilà. Peut-être qu'on a aussi ce côté assez humain qui est de regarder la pauvreté autour de nous ou le malheur autour de nous pour se rassurer par soi-même. Alors que quand on a une bonne nouvelle, bah voilà, on la passe très vite. Je montrerai. Voilà. voilà, si on écoute par exemple un bulletin d'information classique, on nous donne toujours, on annonce toujours les mauvaises nouvelles d'abord. Ouais, et à la fin, on va nous passer 30 secondes sur la séquence du bébé lion qui est né au fin fond d'un zoo, et ça fait le sourire parce qu'on va peut-être avoir une chance d'avoir un nouveau membre dans cette espèce, quoi. Mais voilà, tout ce qui est négatif, on va le traiter pendant une demi-heure. Lou, t'en penses quoi tu vois l'avenir d'une façon radieuse? Demain, les lendemains qui vont chanter ou qui vont pleurer pour avec toi? Les petits oiseaux. Ouais. Bien, malheureusement, la vie n'est pas une comédie musicale et je suis actuellement assez pessimiste sur l'univers de l'humanité. Pas de la manière dont les médias dépeignent, parce que c'est assez paradoxal. J'ai beau travailler en radio, j'essaie de me décrocher des médias mainstream. Hein. D'ailleurs, j'ai fini par trouver une petite newsletter assez sympa par mail, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais mon pessimisme, en fait, est... Alors, peut-être que c'est parce que je suis jeune, hein, mais c'est une prise de conscience sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on est en train de faire, et la question, oui, qui se pose de qu'est-ce qui va devenir plus tard. Et à l'heure actuelle, je suis encore jeune, hein, j'ai pas d'enfants, mais quel est le monde que je veux laisser à mes enfants si je veux en avoir un jour? On en est là. Mais non, mais il faut... Oui, c'est... Parce que le vrai sujet, c'est ça, c'est les générations futures, et qu'est-ce qu'on... Enfin, on va pas parler de notre action, on va détailler, hein, ce qu'on pense de l'avenir, de ce qu'on... Voilà, des oiseaux de mauvais augure, comme on disait avec PJ dans les médias, les sujets qui risquent d'être problématiques, mais c'est vrai que c'est une question de génération. On est en train de préparer le monde d'après nous. Gaël, toi, je pense que t'es peut-être le seul de la pièce à être optimiste. Si je dois exprimer quelque chose par rapport à la situation actuelle, c'est que c'est clair, elle va pas aller en s'arrangeant. Ça, c'est évident, à mon sens. Hein. Mon regard, c'est que ça va pas aller en s'arrangeant. Maintenant, après, le côté optimiste que je peux peut-être apporter est complètement en dehors du cadre qu'on exprime là, c'est-à-dire quel est le ressenti qu'on a par rapport à la situation actuelle. Oui, je rejoins mes voisins de table. C'est difficile d'être optimiste quant à ce qui va advenir à l'humanité dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, s'il faut regarder après dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, je parle même pas dans 100 ans. Hein. Voilà, d'après les spécialistes, on a plutôt de quoi être pessimiste, même si on nous vend encore du rêve en nous disant mais on peut encore changer tout ça. Bon, je pensais que l'émission commençait bien. Non, mais c'est vrai que si là sur trois personnes autour on fait consensus, hein, là ce soir. Donc vous me forcez à être optimiste. C'est bien, on voulait voir ce que ça donnerait. Voilà, ton avis, pour une fois, on va t'écouter. Alors, moi, je crois en notre intelligence collective, je crois en l'évolution de l'espèce, parce qu'on est une espèce qui n'est pas comme les autres, hein. Je suis un spéciste. Oui, tu es spéciste. Pour reprendre le sujet, voilà, de notre dernière émission. Exactement. Je pense qu'on est une espèce particulière qui va être capable de tirer des enseignements, malgré les erreurs à répétition qu'on a réussi à faire dans notre histoire. Et puis qu'on continuera à faire. Il y a un auteur, un philosophe, Slavoj Žižek, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « après la comédie, la farce ». Parce que quand on fait une erreur une fois, bon voilà, quand on l'a fait une deuxième fois, c'est une comédie, on joue la comédia, mais la troisième fois, c'est une farce. Donc on a déjà fait par exemple deux guerres mondiales, j'ai assez peu de... Je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale parce que je suis optimiste, parce que je pense que ce qu'on mène comme dimanche dernier, les cérémonies, le souvenir, l'Europe... Non, je suis assez optimiste. Oui, mais enfin, ce qui en est ressorti quand même, y compris dans les médias... C'est la grande division. C'est la grande division, la guerre est-elle à nos portes, etc. Ce n'est pas pour te contredire, hein, que je dis ça. Mais là, c'est les médias. Moi, mon point de vue, c'est les médias. Oui, mais... Néanmoins, on a eu tous les acteurs de la place mondiale qui étaient réunis à Paris autour du souvenir. Autour du souvenir. Mais quel souvenir ? Quand on voit qu'en repartant, certains postent certains messages privés, hein, puisque c'est dans la sphère du... Bah, c'est des personnes coutumières du fait. Coutumières du fait, on est bien d'accord. Pour remettre dans le contexte, on parle du président américain qui, de retour chez lui, n'a pas hésité à poster quelques messages un petit peu indécents, pour reprendre certaines expressions qui ont justement cours dans les médias. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir un petit peu de respect, surtout quand on sait que c'est également, il est venu en mémoire des Américains qui sont morts au combat également dans notre pays. Donc ne serait-ce que pour ses propres soldats, avoir un petit peu de respect, c'est le minimum. Les médias américains étaient assez unanimes là-dessus. Oui. Comment recentrer maintenant ? Alors comment recentrer ? Non, mais De toute façon, voilà. Alors, il y a plusieurs façons de voir l'avenir. Bon, on ne va pas faire de cartomancie ce soir, on a déjà fait une émission là-dessus. Mais non, moi j'avais plusieurs thèmes. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on parte sur des grands thèmes. Un premier thème qui tient à beaucoup de monde, c'est simplement notre environnement. Alors, un premier thème comme ça de but en blanc, bah, je vous dirais parler de l'environnement. On va pouvoir parler de Trump, hein, Gaël, si tu as envie de parler de Trump. Pas plus que ça. Mais parce que, non, mais parce qu'il est il fait partie de l'équation. Oui, même quand on va parler environnement, on sera bien obligé d'en passer par là. Hein, donc, okay. Alors, au train où vont les choses, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est tous plus ou moins pessimistes. C'est qu'on a quand même le président de la plus grosse puissance mondiale qui est climato-sceptique. Déjà. Plus grande, non. Plus grande, quoi. C'est pas la plus grande puissance mondiale. Ah, si, non, c'est la première puissance mondiale. C'est différent. Bah, c'est la première. La plus grande puissance mondiale, pour moi, c'est la Chine. Hein. Voilà, Non, mais en parlant de, par exemple, de PIB, c'est toujours les Américains. Mais en parlant d'importance diplomatique et de poids. Ah oui, mais ça, c'est subjectif, mon cher. Non, non, non. C'est une réalité. Alors, nous dévions un petit peu du sujet, oui, mais je comprends. Non, mais là où je veux en venir, c'est qu'en représentant 1 milliard d'individus, ils ont plus de poids que des États-Unis avec 270 millions d'habitants. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est de ce point de vue-là, tout à fait. Après, en tant que puissance. En termes d'humanité. Voilà. En termes d'humanité. En termes de puissance, que ce soit d'armée ou autre, il y a quand même certains écarts, même si on peut dire, bah, nous aussi, on a la bombe atomique. Je ne veux surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Je jouais à celui qui a la plus grosse. C'est le jeu des Américains, ce n'est pas le nôtre. Mais pour en revenir à cette thématique de l'environnement, je pense que c'est effectivement prendre le sujet du bon côté. Je pense que quand on veut parler de l'avenir, il faut regarder notre environnement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre environnement ? Parce que quand on parle de notre environnement, on dit qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants ? Parce que qu'est-ce qui va leur rester ? Et je reprends cette bonne vieille chanson que j'avais utilisée la dernière fois de Mickey 3D. Quand on était dans mon enfance, il y avait des arbres. Waouh, c'était quoi un arbre ? Est-ce qu'on va en arriver là, quoi ? Je pense que Gaël, là, on est dans le fantasme. Alors, j'avoue que ça fait peut-être un certain temps qu'à Épinal, t'as pas vu d'arbre. Non, je plaisante. Ça, c'est la plaisanterie. Mais la chanson, elle dit quelque chose qui est très... Non, malgré les déforestations massives, etc., on n'y est pas encore. Mais celui qui habite... L'optimiste que je suis te rappelle qu'il y a encore des arbres. Mais celui qui a habité dans les forêts, y compris forêts amazoniennes qui sont en train d'être déboisées, il va te dire, mais attends, ils sont passés où mes arbres ? Ils sont assez peu nombreux autour de la table. Oui, on est d'accord, mais est-ce qu'on est là pour représenter uniquement notre regard sur la chose ou avoir un regard assez universel ? Moi je pense qu'il faut recadrer effectivement sur l'environnement, et plutôt que de ne faire qu'exprimer un avis, je pense que ce serait bien de refaire un tour de table. Non mais voilà, pour moi en fait le futur va être conditionné par rapport à l'évolution et à la prise de conscience. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à aller consommer des matières premières à l'autre bout du monde... Alors, sur la thématique environnement. Hein. Oui, sur l'environnement, mais tant qu'on continuera à aller consommer des ressources et des matières premières qui font 3 fois le tour du monde pour consommer à la fin à 8 ou 10 000 km avec des bilans carbone qui sont absolument désastreux, de toute façon on continuera de polluer notre environnement et plus que le polluer, on continuera de l'appauvrir. Donc on va détruire des paysages, des cultures humaines, parce qu'on déplace par exemple des populations pour permettre de créer des mines à ciel ouvert, ça c'est super important. Et puis deuxièmement, en fait, on déstabilise des régions complètes dans un but commercial, donc je pense par exemple à l'intérieur de la Chine où le monde paysan est déplacé et placé en ville, donc ça crée une concentration de l'être humain à un seul endroit. Seulement, on ne fait pas par exemple d'informations par rapport à eux sur le nombre d'enfants à avoir. Alors on sait qu'en Chine en ce moment c'était l'enfant unique, mais donc déjà ça a sauté, voilà. Donc maintenant ils sont poussés à faire plus d'enfants. Et deuxième chose, c'est que dans les campagnes qui étaient non pas à majorité shinto, mais à majorité musulmanes, puisqu'il y en a énormément, et il y a une grande répression en Chine en ce moment par rapport à ça, il était normal d'avoir beaucoup d'enfants. En Chine, le problème qui va leur arriver, c'est que, et c'est ce qui leur pend au nez, comme dans beaucoup de pays, et on a l'exemple à côté en Asie du Japon, c'est qu'il faut réguler sa population. Le Japon a fait il y a très longtemps un choix inverse de diminuer sa population et sa nativité, en ne mettant pas en place de plans pour permettre aux femmes de rester à la maison ou de construire des logements. Ce qui arrive aujourd'hui au Japon, c'est qu'il est en plein vieillissement de la population. Plus assez d'actifs, pas assez d'enfants, énormément de personnes à charge. Mais comment on fait pour évoluer ? Donc là, tu es en train de... Mais on est plus trop dans l'environnement. Quand même. Mais c'est en fait, lié, on est dans l'impact que l'on va avoir dans l'environnement. Voilà. Parce que si une société n'évolue plus et se concentre au maximum dans les villes, le poids est encore plus grand de la pollution et de ce que l'on pèse sur la planète. Ça, je le comprends et je l'entends. Et tu vois un peu le problème. Mais j'aimais bien la manière avec laquelle tu as commencé par rapport au fait qu'effectivement, et puis c'est ce qu'on a pu exprimer lors de notre dernière émission à ce micro, c'est que consommer local, c'est pas anodin. Et ça peut avoir un impact plus ou moins direct sur notre environnement proche et lointain. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion de l'idée que tu as exprimée au début. Mais enfin, on va laisser à chacun faire une des informations données. L'idée, donc, PJ, toi, là, tu vas plutôt dans l'orientation de la surpopulation. Pour moi, les deux sont liés. L'environnement subit le fait que l'être humain se répartit mal sur la planète et de la mauvaise manière. Après, c'est le sens de l'histoire aussi. On est en train de vanter les transports collectifs. Et moi, je te dis, les gars qui restent à la campagne, ils prennent tous les matins tous leur bagnole pour aller au boulot. En ville, il y a le métro. En ville, il y a les alternatives écologiques, etc., qui sont mises en œuvre. Alternatives qui sont surchargées, hein, tout de même, rappelons-le. Parce que les investissements ne sont pas à la hauteur aussi bien du sûr. Développement humain. Conclusion, le futur du travail, si on veut vivre à la campagne, c'est de télétravailler. Donc de repenser le modèle de fonctionnement. Est-ce que tout le monde vivant, quel que soit l'endroit où il vit en France, doit vivre de la même manière ? C'est-à-dire qu'est-ce que tout le monde doit aller travailler en ville et retourner le soir dans son appart ou à la campagne dans sa maison ? Il faudrait peut-être repenser un modèle de développement économique dans lequel si on fait le choix de vivre à la campagne, on doit pouvoir vivre à la campagne et non pas aller migrer en ville pour une raison de travail. C'est un peu le problème qu'on a depuis les années 50, quand la France a été reconstruite, on a dit on va augmenter la taille des villes de manière à avoir des métropoles d'équilibre qui ont été créées à ce moment-là, en disant ça suffit l'hyperconcentration sur Paris, parce que l'hyperconcentration va créer qu'une seule chose, c'est du désarroi et des problèmes entre les campagnes et Paris. Et Paris ne sera plus écouté. Voilà. Donc l'idée a été de créer des métropoles d'équilibre, Metz, Nancy et compagnie. Ok, très bien, on y est. Pas trop arrivé parce qu'on a toujours circulé sur deux pieds par rapport à ça. Il y a eu la régionalisation qui a été mise en place dans cette idée-là. On va continuer à aménager un peu les campagnes, dans les grandes zones de terrain qui sont agricoles presque perdues. Ça n'a pas fait grand-chose, ça a fait qu'il y ait de plus en plus d'ouvriers qui venaient en fait des gens qui passaient de la campagne et dans les métiers du paysan. Plus de mécanisation, moins de travail, ils sont partis en ville, ils sont devenus ouvriers. On a oublié de les former et de former leurs enfants et de leur donner de l'espoir pour faire autre chose. Aujourd'hui, on se retrouve avec les centres de ville plutôt huppés, les tours de ville en version banlieue, les campagnes désertées de l'intelligence, je suis désolé de le dire. Ça ne fait rêver personne aujourd'hui de naître à la campagne pour dire y rester toute sa vie. Il y a une réalité économique. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. L'être humain est une machine à évoluer. C'est-à-dire que naturellement, même si on n'est pas éduqué, on a envie d'aller de l'avant. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans un endroit et qu'on se dit de toute façon... Je suis pas poussé à aller de l'avant. Il n'y a rien à y faire. Voilà. Exemple, l'emploi. Il y a énormément. On a tous ici. On est tous plus ou moins jeunes quand même. On n'est pas des vieux. Sors ta canne, papy. Non, mais on a énormément. On a tous autour de nous des connaissances qui ont quitté leur bassin de vie qu'on avait nous à la. Moi, je suis un rural de base. Hein, je suis né au Val de la Jeule. Enfin, donc, dans nos connaissances, le pourcentage de jeunes de ma génération qui est encore sur place est très faible. Ah oui. On est d'accord là-dessus. Ah non, mais c'est clair. Mais parce que tout le monde, pour survivre, pour s'aboutir personnellement, a quand même besoin d'essayer de... Conclusion ? D'aller là où ça se passe. Il y a bien un problème de gestion politique de l'espace et du territoire. La politique ne dirige pas où il y a des emplois ou pas. La politique est un outil qui sert à aménager correctement un territoire pour avoir une vision à long terme en disant « si je n'exploite pas la ruralité et laisser et permettre aux gens de vivre différemment en évitant de s'agglutiner à un seul endroit, dans ce cas-là, je crée des problèmes. Si tu ne penses pas à créer des facteurs favorisants pour créer de l'emploi, pour justement donner des solutions pour avoir de l'emploi de même niveau local, les gens obligatoirement trouveront eux-mêmes une alternative. Si tu ne penses pas à mettre du transport en commun intelligent avec du rail et des choses comme ça, dans des bourgs au moins, les gens trouveront des solutions autres pour l'alternative. Donc on ira toujours, et ça c'est valable, on parle de la France, mais c'est valable dans beaucoup de pays, on n'a pas réellement aujourd'hui de pensée d'aménagement de nos campagnes. Nos campagnes sont aujourd'hui pensées pour être des produits, des usines à ciel ouvert de nourriture. Voilà, c'est malheureux, mais plus des endroits de vie, la vie c'est, voilà, c'est plus complexe que ça. Au-delà de ton constat, au-delà de ce constat, parce que là, on est dans le constat. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu envisages pour demain? de la façon dont ça se déploie, de ce que tu constates là, de ce qui est en train de se passer, dans quel sens tu penses que ça va évoluer ? Toi, tu ne crois pas à la prise de conscience ? Il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Là, on voit bien les citadins, les Parisiens sont en train de retourner, réhabiter. C'est mineur ? Tu penses que c'est un effet de mode ? C'est mineur parce que partir de Paris pour venir vivre à la campagne en gardant, une vie de Parisien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse arriver à la campagne pour vivre comme on doit vivre à la campagne. Alors, c'est quoi la vie à la campagne ? Consommer local, utiliser un minimum le véhicule, parce que tant qu'on reste bloqué à devoir faire tous les jours 50-60 km pour aller travailler, ça sert à rien de venir. Ça sert à rien de venir vivre à la campagne. Mais c'est le lot quotidien de beaucoup de monde. C'est bien là que je dis, il y a un problème dans le modèle. C'est-à-dire que ce modèle-là, de vouloir avoir les avantages de la vie en ville tout en étant à la campagne, faut l'oublier. Si on vient vivre à la campagne, il faudrait qu'on puisse avoir un modèle différent. Alors, le modèle, ça serait quoi ? Le locavorisme. L'autonomie. Non, mais on ne vit pas. Le télétravail. On est d'accord qu'on ne vit pas que pour manger. Non. Donc il y a. Mais quand ça même... fait partie des besoins. Oui, mais voilà, il faut pouvoir répondre à ce besoin. Évidemment. Sinon, tu prends la voiture pour aller faire tes courses. Voilà, ça revient au même. De toute façon, si c'est pour sortir, ressortir pour aller faire ses courses, etc. Maintenant, le télétravail, c'est valable dans certains métiers. Et là, les métiers de la tête. Voilà. Alors pourquoi je parle du télétravail ? Parce que je parle du principe que j'aimerais. Parce que tu le fais. Alors moi, je le pratique, mais j'aimerais voir plus de gens intelligents, diplômés à la campagne. Je me dis que c'est quand même un comble. Pourquoi, dès qu'on fait des études, il faudrait qu'on aille vivre en ville ? Non mais, soyons réalistes. C'est pas parce qu'on a un bac plus 5, un bac plus 7 qu'on doit vivre en ville. Aujourd'hui, c'est presque une obligation. Oui, mais c'est parce que c'est un constat aujourd'hui. Les métiers à valeur ajoutée intellectuelle sont en ville. Voilà. Donc, dans ces cas-là, le télétravail pour ces métiers-là s'y prête parfaitement. Puisque ce sont déjà des métiers intellectuels qui se font pour 99% derrière un écran. Bon, mais alors, excusez-moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, PJ, mais... quel sera l'impact réel sur la question qui a été posée au départ sur l'environnement ? Eh bien, moins de déplacements, moins de CO2. Excusez-moi, sur l'environnement. Tout est lié. Faut exprimer, à mon avis, ce qu'on pense sur l'environnement, de vers où on va. Mais justement, c'est là où j'en viens. Moins de déplacements parce que télétravail et vie à la campagne, c'est moins de CO2. Toi, c'est ce que tu recommandes pour que ça parte pas en sucette. Moins de dépendance au fuel, tout simplement. Moins de dépendance au carburant. Ça me paraît tout à fait simple. Et donc, à partir de là, ça permet de penser vers un avenir qui sera plus respectueux de l'environnement, tout simplement. Parce que le risque, c'est quoi ? Parce que j'ai l'impression que, de ce point de vue, on est déjà très mauvais. Donc, On est dépendant. Aujourd'hui, on est mauvais. On est dépendant au pétrole. On le voit bien avec la crise actuelle. Donc, moi qui ai le rôle de l'optimiste, je vais vous dire, ça peut pas être pire. Ça pourrait être mieux. Est-ce que ça pourrait être pire ? Il y a qu'à voir dans d'autres pays. Les situations qu'il y a dans d'autres pays, pendant une période en voie de développement, la situation elle peut être pire si tous les pays deviennent comme ça, forcément. Maintenant, imagine que tout le monde vive comme nous dans le monde, que dans tous les pays, y compris en Chine, tout le monde ait sa voiture pour aller faire 60 km le matin pour aller au travail. On n'est pas les pires en termes de consommation et de CO2. Si on va regarder les Émirats Arabes Unis, Dubaï et compagnie, on est dans l'extrême des mesures. Je me souviens qu'il était sorti au début du mois de juillet un article dans un magazine que reçoit mon fils qui s'appelle Mon Petit Quotidien, je crois, désolé pour la publicité, et dans lequel il disait « Voilà, aujourd'hui, nous avons consommé les ressources que la planète peut nous offrir en un an. » Ça veut dire qu'à partir du début du mois de juillet, on vit à crédit sur ce que... C'est courant juillet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est le jour du dépassement. Voilà, le jour du dépassement, qui n'a fait que augmenter. C'est-à-dire que dans l'année, ouais. Qui n'a fait que diminuer. Et donc, un jour, on va se retrouver au mois de juin à dire, ben voilà, on a consommé, on a vécu la moitié de l'année, on a consommé les ressources de la planète qu'elle est en mesure de nous fournir en un an. Alors, et donc, quand on aura fini l'année... Ça intervient extrêmement tôt. Voilà. Et moi, je pense que ça, ce sont des valeurs qui sont importantes à prendre en compte, c'est-à-dire attirer l'attention des gens. Maintenant, je suis d'accord avec PJ, il faut proposer des solutions et pas seulement des solutions en disant, c'est à nos politiques de proposer des solutions. Non, c'est à nous de le faire. Surtout que paradoxalement, on tire vachement plus sur la planète que sur l'État. J'ai lu ce matin dans le journal que je crois aujourd'hui ou demain, c'est la date à partir de laquelle l'État est à crédit. C'est-à-dire au niveau de l'année. C'est la date à partir de laquelle on vit à crédit et qu'on consomme de la dette à full. Tu vois. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'argent et jusqu'au 31 décembre, on est 100% à crédit. À crédit. Mais ça, tout le monde sent. fiche. C'est ce qui est paradoxal. S'en fiche, oui. Et c'est ça. Mais c'est... parce qu'on consomme vachement plus la santé de la planète que la santé de moi, ça me dépasse. C'est même plus important que ce qui se passe en ce moment. Mais c'est super intéressant parce que si vous mettez ça et que vous le mettez en contrebalancement vis-à-vis de la date où nous sommes aujourd'hui et de l'événement qui se prépare pour dans deux jours, le 17 novembre marqué comme Black Saturday, hein, excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais voilà. Pour les voitures, les gilets jaunes, oui, il y a un événement d'envergure nationale qui n'a pas été mesuré, estimé au niveau gouvernemental. Et pourquoi, quel est le motif? Et aujourd'hui, on est en train de débattre... Au mauvais motif. Voilà. Nous, on est en train de débattre de sauver la planète et les gens sont en train de débattre de sauver leur portefeuille. C'est ça. Alors après, attention, je ne suis pas en train de dire que ces gens ont tort. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Presque. Mais non, pas du tout. C'est juste que... La validité du motif, c'est ça qui dérange. Il y a des problèmes financiers. Ok, je ne dis pas, c'est super compliqué. Ce que le gouvernement nous demande d'un côté, il nous coupe l'herbe sous le pied pour le faire de l'autre. Ok, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train de critiquer l'événement qui est en train d'être préparé. Et je dis juste que... On est en train de regarder au nombril. Ma situation ne s'améliore pas, donc qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Surtout qu'on en a tous plus ou moins conscience. On est en France, c'est l'État-providence. On est encore dans cette image de Vichy, c'est malheureux, hein, mais l'État doit être providence. Alors c'est, que, c'est incroyable. À force de prendre, voilà, il y a un problème. À force de prendre. Il faudrait peut-être qu'on donne aussi. Faut que chacun se demande ce qu'il peut donner. Alors bon, c'est vrai, on n'a pas les moyens, il y a des gens qui ont des situations quand même très compliquées, il faut aussi en avoir conscience. Hein. Oui, mais d'une certaine manière, certaines décisions gouvernementales n'ont pas été les bonnes, et on peut comprendre qu'il y a un ras-le-bol, mais pour la défense de notre gouvernement, les prédécesseurs n'ont pas été meilleurs. Donc c'est un tout. C'est un tout. Moi, c'est tellement global. Je dis pas qu'il faut les mettre tous dans le même panier et tous les jeter. C'est pas ça. Mais c'est clair qu'il y a besoin de récurer profondément la marmite politique, quoi. Voilà. Mais on n'a pas entendu l'avis de Lou sur la question environnementale. C'est un peu compliqué, mais ça fait partie de mon constat. Hein. Je vois qu'avec le temps, on s'améliore pas du tout. D'ailleurs, au contraire, on pollue de plus en plus. On crée des choses qui polluent de plus en plus. Hein. On en a quand même de plus en plus conscience. Certes, mais d'un autre côté... Alors là, pas du tout. Quand tu vois qu'on nous dit de prendre la voiture électrique qui va coûter une fortune et qui va nous consommer des métaux rares... Oui, et qu'on n'est pas encore capable de recycler. Voilà. Donc on nous vend une solution au gasoil qui va être pire que le gasoil qu'on va remplacer bientôt. Mais justement, en fait, le problème, c'est qu'on nous propose aussi des alternatives. On nous propose des alternatives sans avoir ce qu'il faut pour... recycler toutes ces voitures qui vont finir à la casse. On n'a pas tous les réflexes qu'il faut aussi pour les déchets, par exemple. C'est important d'en parler. Je pense qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard du mode de vie zéro déchet, parce que bon, j'ai pas préparé, mais ça fait longtemps que je gravite dedans. Mais il y a des alternatives qui existent pour savoir qu'est-ce qui peut être mis au compost, qu'est-ce qui peut être réutilisable. Comme en tant que femme, je parle de protection hygiénique ou même de couches, si jamais je veux avoir des enfants un jour. Enfin voilà, on n'est pas... Il n'y a pas de communication là-dessus en plus. Non, justement. On a l'impression que tout le monde s'en fiche. C'est ça qui est malheureux. Ça reste très underground. Très sinon, la cup, on commence à en entendre parler un petit peu. La quoi ? La cup, la coupe menstruelle. Oui, tout à fait, ouais. Un petit objet en latex. C'est vrai, les États-Unis, c'est du silicone, pour être très précis. Ma femme a découvert ça il y a une dizaine d'années. C'est du silicone. Tu le fais bouillir pour la rendre, ça stériliser. Et donc, tu remplaces en fait tes protections menstruelles avec ça. Et c'est beaucoup plus confortable, plus hygiénique. Et tu la vides dans les toilettes à chaque fois que tu en as besoin. C'est charmant. L'impact du plastique sur le corps humain avec... la migration des plastiques dans le corps humain avec un contact permanent pour une femme qui porte en moyenne entre 5 et 7 jours par mois lors des menstruations une protection hygiénique, le bisphénol et compagnie qui va rentrer au niveau hormonal, excuse-moi, mais les impacts sur l'environnement et la santé, ils sont catastrophiques. Et puis au niveau du porte-monnaie. Ah bah là, il n'y a pas photo. Le problème, c'est qu'on parle de ce sujet et parfois on a l'impression que c'est sale, il ne faut pas en parler. Je reviens sur cette question qui avait été d'ailleurs posée à un moment donné, de dire mais pourquoi est-ce que ces serviettes hygiéniques justement ne sont pas en TVA 5,5 puisque c'est une obligation de consommation. On vient de dire qu'il y avait une alternative. Il y a des alternatives. La femme n'a pas le choix que d'avoir un moyen de protection. Donc c'est normal de proposer des moyens de protection. Le problème, c'est que le vrai problème dans notre pays, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est proposé, ou deux si on considère l'élément comparatif qui est le tampon. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de réelle alternative qui est proposée grand public. Tu disais tout à l'heure, Julien, c'est underground. Quelque part, oui, c'est pas complètement faux, parce que c'est dans des milieux de personnes qui vont être un petit peu initiées à des questions environnementales. C'est toujours la même chose, il faut chercher l'information. C'est ça, c'est ça. Elle devrait être apportée de manière générale. De mon point de vue... Je ne suis pas certain que ça va jouer là-dessus l'avenir de l'humanité. Non, moi, on va recourir à du plastique dans tout. Hein. Dans tout. Dans les plats alimentaires, dans tout. Moins on aura cette habitude de faire c'est quoi automatique. Moins on utilisera de plastique, plus il y aura de pétrole pour les voitures. Non. Moins on consommera de pétrole tout court. Non, mais par contre, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que je vais reprendre le discours de Pierre Rabhi, c'est l'histoire du colibri. Moi, je suis désolé. Tu fais une goutte ici, une goutte là, une goutte là, une goutte là, une goutte là, une goutte là. Si tout le monde amène sa petite goutte pour éteindre le feu, eh ben, à force, on va y arriver. Le colibri, c'est le plus petit. Hein. C'est pas le gros éléphant qui va chercher avec sa trompe 50 litres qui va aller déverser d'un coup. C'est le petit colibri. Et c'est ça qu'il nous dit. C'est que nous, on n'est que des colibris. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre chacun sens notre des responsabilités? Voilà, à notre niveau et dans notre géographie. J'aime beaucoup l'image du colibri, mais là, pour le coup, quelqu'un d'optimiste comme moi, je suis très pessimiste sur les gens qui ont cette philosophie-là. Parce que ça détourne le regard des gros industriels, des grosses machines qui dégagent énormément de gaz à effet de serre. C'est l'inverse. Qui polluent. Va voir à la Hague ce qui se passe chez Areva, etc. C'est l'inverse. Le but, c'est que justement, on sait très bien que ces gros industriels ne feront pas ce qu'on leur demandera. Tout à fait. Donc l'idée, c'est l'inverse. C'est de les amener à faire ce qu'on veut parce qu'ils voient que notre manière de consommer change. Exactement. Et donc, ils vont nous suivre. L'industriel propose ce que le consommateur veut. C'est tout. Plus il essaye de créer des modes, évidemment, et il en crée d'ailleurs, et il crée de l'accoutumance à ces modes. Mais il nous appartient à nous de faire la révolution, mais de résister. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Black hair and your fat ass styles. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, a Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got BBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. But sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate. Relax yourself, girl, please settle. You couldn't relate. Relax yourself, girl, please settle. You couldn't relate. Relax yourself, girl, please settle. Relax yourself, girl, please settle. Relax yourself, girl, please settle. Relax yourself, girl, please settle. Stretch out your legs, let me make you fall. Drive you insane, drive you up a wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of poontang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. I read you're not a road boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run the yap. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella, swing it up in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacey Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass jack is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself, girl, be set to air. Relax yourself. Le débat Dio, Dio, Dio, Dio. On est de retour. C'est quoi ce petit fond musical? Il y a un reste de musique. Ah non, c'est bon, c'est fait. Quoi, ça se termine. Non, mais je ne vous ai pas encore mis en ligne. Je me réservais ce privilège. On a bien compris. On a bien compris, on ne va pas nous entendre. On s'est senti exclu. Donc, hors antenne, on évoquait un point de frustration pour Gaël. Donc, pas de frustration, c'est que je pense qu'on est en train de parler de la thématique de l'environnement. Et je pense que si on parle de la thématique de l'environnement, il faut évoquer certains sujets. Comme par exemple, on nous dit souvent, la forêt amazonienne, on est en train de la détruire, on détruit le poumon de la Terre. Le véritable poumon de la Terre, c'est l'océan. Et ça, on l'oublie. Et l'océan est bien plus pollué qu'on l'imagine. Quand on voit ces nouveaux continents qui sont en train de se créer dans le Pacifique, là, ouais. et du fait de nos plastiques. Et c'est pas le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui qui va résoudre ce problème demain. Et j'entends par demain un demain assez proche. Il va falloir mener des actions parce que ça se transforme en toutes petites molécules, en nanoparticules bientôt, qui seront ingérées par les animaux qui vivent dans cet océan et qui vont se détruire du fait de la responsabilité de l'homme qui détruit. Bon, je ne suis pas uniquement sceptique quand je dis ça, mais je veux dire, il y a aussi un autre débat. On a parlé du débat au niveau local, on a évoqué le débat au niveau international quand tu as parlé d'Areva et de la manière avec laquelle les industriels polluent. Moi, je pense que évidemment, ce sont toujours les industriels qui nous amènent ces charmantes idées et qui nous font polluer derrière. Mais je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ça. Et c'est dommage qu'on ouvre les yeux toujours très, pour ne pas dire trop tard. Souvent, moi, ce qui me gêne avec le sujet d'Areva, c'est que c'est typique du pollueur qui légifère. C'est-à-dire que Areva va faire voter les seuils en fonction de ce qu'il va dégager dans l'année. C'est ça qui me dérange. Mais c'est ce qu'on appelle du lobby, c'est tout. Bah, c'est du lobby d'État. Hein, oui, mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche comme ça depuis, je sais pas, depuis quand on peut dire ça, depuis le avant la Seconde Guerre mondiale. Areva, Seconde Guerre mondiale. Hein, voilà. Le choix non, fait du tout nucléaire. Sans parler d'Areva au proprement parler, les lobbies ont toujours eu la main mise sur les hommes politiques. C'est un principe. Autrefois, quand on avait des rois, il y avait aussi des lobbies sur les rois. Faut pas rêver, que ce soit le clergé ou autre. Chacun avait différentes époques. Chaque forme de lobby a existé. Les riches qui voulaient toujours être plus riches et surtout laisser les serfs de plus en plus pauvres, les gens asservis. Donc voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude en fait. Le problème, c'est qu'on pense qu'on a inventé un système qui est beaucoup plus équilibré et équitable, alors qu'en fait, on a caché derrière ça le vrai fond qui est la réalité de terrain, c'est-à-dire des riches qui continuent de s'enrichir sur le dos des pauvres qui continuent de devenir plus pauvres. Mais revenons sur l'environnement. Et revenons surtout sur l'avenir. Parce que l'avenir, c'est quoi? C'est que cette pollution, elle va nous péter à la gueule. Ah bah oui, ça. Elle est déjà en train de le faire quand on voit les coraux et autres qui sont en train de disparaître et qui sont le poumon de notre océan. Ou aussi même autre élément de la chaîne, les poissons qui bouffent les plastiques qu'on rejette et qu'on finit par retrouver dans nos assiettes. Donc dans notre chaîne alimentaire, on mange nos propres plastiques, c'est magnifique. Nos propres déchets. Sans oublier les pollutions qu'on a de nos cours d'eau, etc. etc. parce que l'eau reste... On ne peut pas vivre sans eau. Je ne vais pas dire à un évolutionniste que si on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais voilà, c'est très clair. Non, mais c'est vrai, on a plus de... Je ne pense pas qu'il existe encore sur la planète une source d'eau non touchée par des contaminations humaines. Si on ne voulait évoquer que ce... C'est un cycle, l'eau. L'eau qui part de l'océan Je suis désolé, mais il repart sous forme de condensation, il repart dans les nuages, il nous retombe sur le crâne. Partout où il y a de l'activité humaine, l'eau sera touchée. Donc l'eau qu'on consomme à un point A, elle a peut-être fait 1000, 2000, 3000, 4000 km pour revenir jusqu'à nous. Elle a obligatoirement touché un endroit qui était pollué pendant son passage, par différents types de pollution et différents types d'interventions humaines datant de différentes époques. Donc je ne pense pas qu'il y ait un seul point d'eau sur la Terre qui puisse dire qu'il n'y a pas de traces humaines dans cette eau-là, si on analyse. Et est-ce que c'est un problème ? Oui, moi ça me dérange. Un problème de santé publique déjà. Bah, ouais. Est-ce que c'est forcément un problème que l'eau soit pas, et subit d'une quelconque façon l'impact de l'activité humaine. Oui. Je joue volontairement le contradicteur, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Donc... Non, c'est ce que je veux dire. Je vais faire le sceptique. C'est un crime contre l'humanité, moi je le dis comme ça, un cash. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Mais alors c'est toute l'activité, toute la somme d'activités humaines qui fait que ton eau, elle est souillée. Et puis c'est l'utilisation qu'on a de l'eau aussi, qui à mon sens n'est pas du tout équilibrée non plus. C'est clair. Pourquoi ? On consomme trop ? Quand on voit ce qu'on consomme en eau, en termes de consommation au compteur, et qu'on voit ce qu'on consomme en eau en termes de consommation dans notre organisme, s'il y a une disparité qui est telle, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis désolé. C'est pas un acquis de pouvoir prendre 3 douches par jour, de pouvoir laisser couler l'eau quand tu fais quoi que ce soit, de pouvoir tirer tous les toilettes à chaque fois. On pense que c'est acquis dans notre société, mais non, faut arrêter. Non, mais attends, il faut quand même... Le sceptique... En face de toi, il va te dire, de toute façon, l'eau, elle descend de la montagne, elle va jusqu'à la mer, donc si j'en prends au passage, ça ne va pas non plus changer la face du monde. Sauf que je la prends au passage, je la pollue et je la renvoie sans la nettoyer. C'est ça. C'est pas parce que tu te douches que tu pollues. Ah bon ? Le savon que tu as sur toi avec le parabène. Tu la bois derrière ton eau ? Tu bois pas ton eau ? Pas forcément. Et puis attends, au final, on est combien après à le faire ? C'est clair ? On est combien ? On va pas faire une lutte contre les douches. Non, mais c'est pas les douches. On a évoqué aussi le cas des toilettes. J'ai entendu parler. Mais c'est vrai. Je pense qu'on a tous entendu parler au moins une fois dans notre vie récente, durant ces 10 dernières ou 15 dernières années, des toilettes sèches. Moi, j'ai été d'abord très sceptique à cette idée. Et quand j'ai découvert le principe et surtout le résultat, avec un double impact positif, déjà par rapport à l'eau, mais aussi par rapport au compost que l'on crée. C'est-à-dire que le déchet que l'on crée, il n'est pas amené dans des centres qui vont en faire, qui en font et quoi. Et tu le valorises au niveau local. Ah oui, bien et sûr. En plus, il est valorisé très très localement puisque c'est chez nous. Donc c'est une des meilleures solutions. C'est une vraie question, la pollution de l'eau. C'est une vraie question. On va pas parler du blocage culturel qui pourrait y avoir, parce qu'on est tous autour de la table très heureux d'imaginer un avenir radieux à déféquer dans des toilettes sèches, mais pour l'instant aucun de vous trois ne le fait. Bah, pour des raisons très simples, mais tu voulais me dire quelque chose. Non, moi j'allais dire, ça dépend. Moi j'aimerais vraiment en avoir, mais le problème c'est que mon logement ne le permet pas parce que j'ai un appartement sans jardin. Mais si je pouvais avoir une maison, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Enfin, j'ai des petits projets sur mon avenir, sur comment je peux impacter la planète et peut-être apporter les bons réflexes pour mes enfants qui après les apporteront à leurs enfants. Et nous on l'a commencé de deux manières. Je rappelle que j'ai des chiens en quantité, donc les crottes des chiens sont mélangées et compostées avec de la sciure systématiquement dans le tas de fumier, et deuxièmement, mon enfant a été élevé avec des couches lavables. Et donc, tous les fécaisses du gamin ont fini sur le tas de fumier. Toutes les quoi ? Tout son caca. Voilà. Pour utiliser un terme nettement moins technique, c'était quoi ce terme ? Le fécaisse ? Le fécaisse ? Bah, tu viens de dire que tu déféquais, alors je te réponds. Ça s'appelle un fécaisse. Ça existe ? D'accord. Bah, bien sûr. On est là pour s'instruire aussi. Hein. Instruisons-nous avec merci, PJ. Merci PJ pour. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Non, et puis c'est très très important. Oui. C'est très très important. C'est important. Et je trouve que c'est même. Moi. Mais tu posais la question. Non, mais en grand sceptique. Voilà, vous êtes plein de bonnes intentions. Mais je suis pas sûr que l'avenir de l'humanité se joue sur le caca et sur les crottes. Hein. Et c'est pas question qu'il se joue dessus. Il se joue sur plein de pôles différents. Et si on ne prend que le pôle pétrole et le pôle nucléaire, c'est fini. On s'occupe plus du reste. Et pourtant, et surtout sur le pôle pétrole, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle ? À part, comme le disait PJ un peu plus tôt, se mettre dans le télétravail ou venir emménager en ville ou se mettre habiter près d'un arrêt de bus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Et sur le pôle nucléaire, à part consommer moins d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour ça ? Oui, d'accord, aller manifester devant les centrales nucléaires pour dire c'est pas bien, il faut qu'on le fasse moins. Mais quelle alternative ? Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est proposer des solutions. Sachant que le sujet de l'émission, c'est l'avenir. Exactement. Et c'est même avenir, ça, pour se projeter, il faut des l'avenir solutions. L'avenir par l'environnement pour le moment, c'est la question c'est que tu as posée. Ouais. Et l'environnement est en train d'être détruit petit à petit. On a évoqué, à peine évoqué lors de notre dernière émission, les abeilles, mais pas d'abeilles. Pas de fruits, d'arbres fruitiers. Il y a plein de plantes qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on mange derrière ? Rien. On ne se pose pas les bonnes questions. Je vais rebondir là-dessus. Déjà, pas d'eau pour boire. Ensuite, pas de légumes, de fruits, de céréales. Enfin, bon, peut-être les céréales, on ça marchera mieux. On arrive sur un sujet qu'on a évoqué brièvement en préparant l'émission cet après-midi, parce que oui, nous avons préparé cette émission. On a évoqué le thème important de donc la surpopulation, on l'a évoqué, mais surtout du risque de famine. Parce que moi, j'étais pareil, j'avais déjà cette position un peu sceptique en disant que la famine, à l'heure d'aujourd'hui, si c'est une réalité, c'est une réalité due à la politique. Toi, tu pensais que pas seulement. J'ai encore vu hier un reportage qui m'a assez frappé au journal de la 2 hier soir, où en Angleterre, en fait, ils ont fait une étude en disant qu'il y avait aujourd'hui des déserts alimentaires et que un cinquième de la population anglaise était située en désert alimentaire. Un désert alimentaire, c'est un endroit où une famille ne peut pas remplir son frigo tous les jours d'un mois parce qu'ils sont soit trop loin d'une boutique ou d'un magasin qui devient inaccessible, soit ils n'ont pas les moyens. Et donc en Angleterre, on estime que un cinquième, c'est colossal, de la population 20%, est en désert alimentaire. On est quand même, on parle de l'Angleterre, pays qui quitte l'Europe, mais c'est l'Angleterre, c'est un pays géographiquement riche, en Europe. Et géographiquement en Europe. Non, donc, de mon point de vue, c'est un problème politique. C'est un problème de volonté politique, très certainement, d'imposer à des sociétés qui trouvent que ce n'est pas rentable d'aller faire des supermarchés dans ces zones-là, que de dire, bah voilà, il faudrait y aller avec je ne sais pas quel système, peut-être faire des supermarchés d'État ou des choses comme ça, mais avoir une volonté politique de vraiment distribuer correctement la richesse nutritive, qui est quand même la base pour vivre. Tu dis que le problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas de magasin ? Il n'y a pas de magasin où les gens n'ont pas les moyens de se le payer. Il faut savoir qu'en Angleterre, pays libéraliste jusqu'au bout, tu payes quand tu vas au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur anglais, ça coûte en moyenne 8 livres. Et quand même. Conversion en euros ? On doit être aux alentours de 10 euros. 10 euros. Pour avoir le panier équivalent qui est donné au Resto du Cœur ici. Là-bas, le panier, donc l'idée c'est de faire un panier bonifié, pas un panier donné. C'est aussi une manière de responsabiliser les gens d'une autre manière. Bon, voilà, c'est peut-être pas idiot dans le principe, mais en tout on cas. On n'est pas là pour débattre de ça, mais. On est aussi là pour débattre que, de mon point de vue, un monde qui a encore besoin des Restos du Cœur et un monde qui fonctionne pas. Ah, on est d'accord. Enfin, qui fonctionne pas correctement. Clair. Parce qu'on n'est pas censé avoir besoin d'une association caritative pour que les gens survivent dans notre monde. Mais combien d'associations font le travail que devrait faire l'État ? Combien de missions d'État ont été transmises aux associations ? De mon point de vue, nous sommes en train de remplir une mission d'État. Mais tout à fait, de ce côté-là. Enfin, nous, non, les Restos du Cœur. Non, mais en lançant et en parlant des sujets. Oui, voilà, en parlant de ah oui, oui, en évoquant ces thématiques et en les rendant accessibles à tous, oui, c'est très important. Parce qu'on apporte, on essaye d'apporter un autre regard. Le principe du haut débat, c'est aussi d'élever le débat à des hauts. J'ai pris du haut débat qui va te rouer si tu continues, mais. Non, mais c'est aussi important d'élever le débat quelque part, de ne pas rester simplement sur la critique du politicien et de la méthode politique. Et de mon point de vue, les thématiques qu'on a entre nous, là, comme ce soir, ce n'est pas des thématiques réservées à une élite parisienne. Non. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à se saisir de toutes ces problématiques et de tous ces sujets au niveau local, parce qu'on a notre point de vue de ruraux, notre point de vue dans nos campagnes, dans nos montagnes, dans nos, dans nos hauteurs. Et ça fait nourrir le débat, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Lou, toi ? T'es en train de digérer ton sandwich. Exact. Oui, on parlait de consommation des uns et des autres, et effectivement, il faut reconnaître que certains consomment beaucoup. Alors, non, mais ce sandwich était assez impressionnant. Alors, il y en a un deuxième. Va-t-elle le manger ? J'en sais rien. Mais la question se pose. Elle est quand même venue avec, hein, signalons-le. Bon, il faut expliquer à nos auditeurs, parce que là, on sort un petit peu du contexte. Mais voilà, on a pris le petit dîner avant de prendre l'antenne pour être sûr d'être bien frais. Et donc, chacun y est allé de regarder un petit peu ce que mangeait l'autre aussi. Hein, voilà. Donc, et là, il en reste un petit peu sur la table, pour ne pas dire un bon peu. Mais revenons-en à l'alimentation, et aussi autre chose, à l'eau, parce que c'est aussi une ressource dont on a besoin, l'eau potable, on en a parlé. Donc raréfaction de l'eau potable d'un côté et mauvaise répartition des ressources et de la nourriture, parce que je pense que tout ce qu'on produit, c'est assez pour la planète entière, et pourtant il y a des pays où il y a des gosses qui crèvent de faim, et ça je pense que c'est pas nécessaire de revenir là-dessus, c'est un fait établi. Mais on est encore dans l'optique du profit. La surconsommation des uns fait la famine des autres. Hein. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est de voir tout ce qui est atterri à la poubelle aussi. Alors qu'on crève de famine en Afrique. Voilà, et ça, c'est des ressources qui sont perdues pour toujours. Des ressources qui viennent de la Terre. Et ça aussi, ça fait partie aussi du jour du dépassement, je pense. Totalement. On n'est même pas capable de consommer ce qu'on a produit. On n'est pas en 1 pour 1, on est en 10 pour 1. On est en sur-régime de création par rapport à la consommation qu'on a, et les gens qui auraient besoin de le consommer n'y ont pas accès. On marche sur la tête. Et d'ailleurs, comme on a parlé d'argent, j'ai envie de citer un proverbe, je pense que tout le monde connaît. Quand la dernière source sera tarie, quand le dernier poisson sera mort, quand la dernière plante aura flétri et que la dernière bête aura été mangée, l'humain se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Je ne connaissais pas, j'avoue. Je crois qu'après c'est connu. Après ça, on va faire une nouvelle petite pause musicale. Alors, ce qui aurait été bien, c'est de nous dire aussi quelle était la précédente pause musicale. Et tu vois, il n'est pas là ce soir, mais... qu'est-ce qu'il est relou. Julien n'est pas là, mais Gaël remplace. Avant qu'il t'a envoyé un texto. On m'a demandé de compenser. Oui, j'ai reçu un message de Julien qui dit vous n'avez pas annoncé le titre de la précédente pause musicale. Vois, il est parmi nous. Il nous surveille. Bon, on s'écoute How Can I Love You. How Can I Love You. Yes. Yeah. And I don't know the artist. You don't know? I don't know. You're not sure? No, it's not displayed. It's not written on the screen, you know? Oh, right. Yes. No information on my screen. You don't have information. On est obligé de faire la traduction. Donc le titre, c'est Comment puis-je t'aimer, d'un artiste inconnu. We have the right to speak in English if we want. Yeah. Oui, mais il faut traduire. Il faut traduire. C'est un engagement obligatoire. On est un média français. On est obligé d'avoir... on peut pas avoir les sous-titres. Toujours poser des questions là-dessus. Oui, alors, cette chanson est anglophone d'origine. La traduire, mais le titre, de mon point de vue, c'est quand même une grosse connerie. On peut le donner en anglais. Mais voilà, nous exprimer entre nous en anglais à l'antenne, il faut quand même apporter une petite traduction. Voilà. C'est vrai que c'est notre demande de ce soir. T'as vu? Donc, How Can I Love You d'un artiste inconnu. On propose à nos auditeurs de trouver l'auteur et de nous envoyer, de nous appeler au 03 29 62 40 40. Et si personne ne trouve le nom de l'artiste, je le dévoilerai juste après ce morceau. Non, je le dévoilerai juste après. Allez, à tout de suite. When we're feeling good, everything's okay. When we're feeling down, there ain't nothing to sleep is even my dream. When the evening sky casts my eyes a beautiful view, where I'm lost again in thoughts of you. If there's reality, patience, please be kind to me. Treat me like you know nothing. If we know history, you can see the pain, see them from words I speak. And now you're taking me seriously. When the evening sky guards my eye, with you on my mind, if the stars could speak, tell me to sleep, deceive me my dream. Retour ensemble pour le débat Déo. Nos How amis sont you. Toujours là. Alors oui, je vous ai pas, on n'a pas eu d'appel, hein, évidemment, il fallait s'en bah, à cette heure-ci, c'est un petit peu calme quand alors, même. Alors, notre morceau, eh ben, oui, c'est pas mal. Je pense derniers. Que c'était peut-être difficile à trouver. Je suis même pas sûr que Shazam aide beaucoup dans ce genre de musique. Non, je pense pas. Non, mais parce que là, moi, je ne trouve pas. Eh bien voilà, la réponse c'est que nous ne l'avons pas non plus et on comptait sur un auditeur pour nous donner le nom de l'auteur. Donc merci pour cette musique inconnue. Qui était sympa. Ouais, c'était sympa. C'était ah, j'ai trouvé. Un petit moment de détente. Alors, c'était accroché. Avec un magnifique accent anglais. C'était right. Le groupe Yellow Days. Tout simplement. Tout simplement, Yellow Days. Les jours jaunes. Voilà, genre musical alternative. Écoutez, oui, c'est alternatif. Ça a été tagué comme ça. Alors, messieurs, dames, vous êtes sur Radio Gemozo. Vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40. Merci, Lou. Gaël, PJ et Lou autour de la table. En face de Julien. En face de moi. Pour discuter de l'avenir de l'humanité. Et moi, je me plaignais, hors antenne, qu'on n'était pas assez sûr. L'avenir, ouais. Parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à vous dire, vous êtes optimiste ou pas ? Parce que, de mon première heure, le bilan, deuxième heure, l'avenir. Ah, oui, peut-être. Parce que, bon, mais je comprends aussi peut-être. La question de Julien, puisque le thème de cette émission, on n'est pas assez dans l'anticipation. L'avenir voilà. De l'humanité, tous voués à disparaître, point d'interrogation. Donc, il faut quand même se poser des questions sur notre avenir. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit amené à disparaître ? Voilà, on va peut-être prendre le problème comme ça. Bah, on a évoqué déjà un cas. Le problème de l'environnement. Le problème de l'environnement, le problème de l'eau, le problème... La surpopulation. De la surpopulation, le problème de la pollution. Il y a déjà pas mal d'éléments. Alors, il y a un problème qu'on n'a pas... scientifiques. Ça, on n'en a pas encore parlé. Il y a aussi le problème de la guerre. On n'a pas évoqué la possibilité qu'on s'entretue. Justement, le problème éthique, les mentalités n'évoluent pas comme on le voulait. J'ai envie de prendre un exemple un petit peu bête. Dans les années hippies, donc je crois les années 70, on a eu une énorme... 70, ouais. On a eu une énorme vague de libération de la sexualité. Mmh. Et on en est où, là ? On est de retour à une espèce d'obscurantisme ouais. Où si une femme on porte est d'accord. Une jupe un petit peu trop on courte, est d'accord. C'est une salope. Hein. On mmh. est d'accord. Et comme on a un retour assez cuisant à la spiritualité religieuse, non, mais c'est vrai qu'on a... J'ai l'impression que la France, à un certain moment de sa vie, a réussi un peu à s'émanciper de la religion. Mmh. Mais c'est le seul pays... Hein. C'est le seul pays qui a vraiment, au monde. Qui a vraiment essayé de faire le deuil de la France. On ne s'est pas émancipé de la religion. Ouais, tout à fait, on a choisi une religion qui s'appelle la laïcité. C'est différent. Et derrière ça, cette religion, exact. Et derrière cette religion, on en a caché bien d'autres. Mmh. C'est juste qu'on a, on les a cachés. Mais non, la religion n'a jamais été clairement. Mais par rapport à ce que Lou vient de nous dire, c'est vrai qu'il y a une recrudescence de l'obscurantisme et du fait religieux un peu nauséabond et un peu. Alors c'est nous qui disons que c'est le discours religieux parce que il s'apparente. Ouais, on interprète. Voilà, parce que ça s'apparente au discours qui était tenu soit au Moyen Âge, etc. Avant certaines libérations telles que on a pu connaître la Révolution. C'est pour ça que je te parle d'obscurantisme, parce qu'on en vient à contrarier des constatations scientifiques banales aujourd'hui. T'entends certains religieux qui vont t'expliquer que qui vont remettre en question Darwin. Voilà, un simple exemple. Mm-hmm. Qui vont remettre en question Darwin. C'est pas le sujet de l'émission, mais on pourrait en débattre si tu le souhaites. Et il y a beaucoup plus de scientifiques que tu ne le penses qui remettent en question Darwin. PJ. Ah, moi je suis un évolutionniste né, donc je pars du principe que le. T'es cartésien scientifique. C'est même pas ça. Je crois en cette beauté des expériences humaines et non humaines, surtout non humaines, qui font qu'on arrive là où on en est. C'est-à-dire que la nature a expérimenté plein de réactions, et puis un jour, boum, on a vu apparaître les acides aminés, et boum, on a vu apparaître des protéines, et boum, on a vu apparaître des briques de vie, et boum, des bactéries, et voilà. Et au fur et à mesure de ces expériences, parce que y avait un éclair d'un côté, parce qu'il y avait une source d'eau chaude de l'autre, parce qu'il y avait des cycles lumineux par rapport au rythme du soleil qui se sont mis en place, au fur et à mesure, on est arrivé jusqu'à l'être humain. Voilà. Et du coup, tu penses que sur notre avenir proche, on va avoir d'autres effets boom ? Ah bah moi, à 30-40 ans, on est mort. Et pourquoi ? On est bien d'accord qu'il n'est pas en train de dire que tous les humains vont mourir à 30-40 ans, mais tu donnes 30 à 40 ans à l'humanité, avant de disparaître. Alors, ça va être quoi pour toi la cause de son extinction ? Ah bah on avait lancé des idées tout à l'heure, on en a discuté, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je crois que l'être humain, dans son avancée technologique, va finir par créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en faisant des essais. Mais principalement, en fait, la vraie, celle qui nous mènera à notre perte, ce sera celle qui se créera toute seule. Je pense que de la même manière qu'on peut croire à l'évolution, avec les expériences qui ont créé en fait d'un seul coup les éléments de la vie, eh bien on arrivera à un moment où, à force d'avoir des outils techniques hyper complexes comme les blockchains, comme la puissance de calcul, comme le nombre d'automatismes que l'on va créer de type robotique, je suis assez réceptif sur ce point de vue, ou d'intelligence artificielle petite qu'on va créer pour nous faciliter la vie. Je pense, on est en 2018, il y a des enceintes connectées aujourd'hui qui sont reliées à des intelligences artificielles, je pense à Alexia et compagnie. Ce sont des briques, ce seront des jouets pour nous. Mais demain, est-ce qu'il n'y aura pas, avec le même principe de soupe primitive, plusieurs intelligences collectives, artificielles, qui vont essayer de créer quelque chose parce qu'on les aura programmées pour. L'expérimentation, comme tu dis. Exactement. C'est l'argument, on en a parlé ce midi, pour tout vous dire, c'est pour ça qu'on est en phase. Ah, tu as failli blémir d'ailleurs quand je te l'ai dit, parce que tu n'étais pas hyper réceptif au début, donc j'explique la totalité du concept. Mais le concept de... Alors, c'est pour ça que le soupe primitive, c'est plutôt la chance... L'IA primitive, on va dire. Non, peut-être. Mais la chance du hasard... qui a été créé sur Terre par les années, les milliards d'années. Il y a eu un hasard qui a déboulé, comme il dit, par pouf, ça a apparu. C'est Darwin, mais à l'échelle du protozoaire. Quoi. Ouais. C'est se dire que l'acide aminé en question, elle a généré la vie du fait d'interactions qui ont mis des milliards d'années à apparaître dans une configuration bien particulière qui a fait que... Oh, un hasard improbable s'est produit au bout de quelques milliards d'années. D'expérimentation naturelle. Cette particule se sont assemblées et pam. Et c'est vrai que le point de vue de PJ qui m'a exprimé ce midi, c'était de dire qu'il y a un risque qu'il se produise la même chose, mais dans un temps plus bref, à cause de la puissance et de la rapidité de ces tentatives. Tu vois ce que je veux dire ? Les différentes tentatives que l'informatique va pouvoir s'exercer à faire elle-même, va déboucher sur quelque chose de plus fort que nous. Peut déboucher sur quelque chose de plus fort que nous. Bon, ce qui m'ennuie, c'est l'expérimentation. Hein, ce qui m'ennuie dans cette théorie darwiniste ou évolutionniste, c'est que il y a encore beaucoup de failles, il y a encore beaucoup de trous, il y a encore beaucoup de chaînons manquants, et on affirme que c'est la réalité. Moi, ce que j'aime, c'est quand on reste très prudent et très mesuré et qu'on dit voilà, moi, c'est ce que je crois. Donc voilà, je comprends qu'on puisse croire ça et j'accepte qu'on puisse penser différemment. Ça, c'est un principe déjà de base. Maintenant, toi, tu crois pas à ça ? Voilà, et ben moi, non, je ne crois pas à ça. Tu crois à quoi ? Moi, je suis croyant, croyant au sens religieux du terme. Alors après, on va dire oui, mais tu as été élevé là-dedans, tu n'as pas eu la liberté de penser, etc. Si, moi, je considère que j'ai eu la liberté de penser et de conscience. Non, mais vis-à-vis de l'avenir, hein, j'insiste. Oui, justement, hein, mais par rapport. Une vision d'avenir, ouais. J'ai en face de moi un individu qui connaît aussi les textes religieux. Mmh. Et qui sait que, quelle que soit la religion, elle a un avenir, qu'importe lequel il est, mais à proposer. Et qui ne correspond pas à l'avenir dont on parle actuellement autour de la table. Donc, voilà. Quelles que soient les religions, il y a un avenir, il y a un vivre ensemble qui est décrit, qui est le quotidien. Mais par contre, les mises en phase du futur sont toutes dans le négatif. C'est-à-dire qu'on attend tous, grosso modo, d'être jugés. Si on prend toutes les religions, grosso modo, c'est ça l'esprit. Quoi. Soit d'être détruit, soit d'être jugé. Moi, ce que je voyais surtout, c'est que dans ces solutions proposées, c'est ce qui va se passer quand on ne sera plus là. Mais il en advient quoi de ceux qui sont derrière nous ? Ceux qui sont encore là. Pensez au futur. Ah non, mais pour moi, ça s'approche bien plus vite qu'on le pense. Hein. C'est-à-dire, de quoi tu parles ? Mais là, j'ai pas pu répondre à la question du jugement. Le problème, c'est qu'on place derrière ce mot on a tendance à voir un tribunal, mm-hmm. un tribunal qui est là pour condamner. L'avantage pour moi, qui est là, j'ai pas parlé de connaissance, mais qui a eu cette curiosité et cet apprentissage quelque part, c'est que c'est un choix. Et ce choix me permet de me dire, il n'y a pas de condamnation. Jugement, il y aura, mais pour ceux qui seront concernés. Ça peut paraître très, très étonnant comme ça, mais ça peut être aussi très cartésien, c'est de dire tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Après, si on part du principe, et je reste sur la thématique religieuse, qu'il y a une entité supérieure qu'on va appeler Dieu, qu'il s'appelle Allah dans une autre religion ou quel que soit son nom, qu'on considère, et 90% de la population considère qu'il y a une entité religieuse, quand je parle de 90% de la population, c'est mondial, hein, qui pense qu'il y a une entité religieuse, une entité divine, qui nous dépasse complètement et qui maîtrise, qui a cette maîtrise de l'ensemble. Cette vision de globale. Voilà. Après, effectivement, selon ce qu'on met derrière cette entité, effectivement, on peut considérer que, puisqu'il n'a rien foutu depuis X milliers d'années, pourquoi est-ce qu'il viendrait s'occuper de nous ? C'est pas ce que tu penses. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Bah alors, synthétise un peu plus, parce que pour moi, alors je ne sais pas pour les auditeurs, mais synthétise un peu plus ce que toi, vis-à-vis de ta croyance religieuse, tu peux t'attendre à se voir produire dans les années à venir. Tout ce qui parce que tu me parles de jugement, parce que tu penses qu'on va être jugé. Attention, je n'ai pas parlé de jugement, c'est l'idée qui a été exprimée par PJ. Ça ne me pose aucun problème parce que c'est écrit aussi. Ouais, c'est écrit. Tu penses qu'il va y avoir l'arche de Noé, on va tous périr enfin voilà. C'est quoi ton point de vue ? Je ne vais pas exprimer mon point de vue, je vais exprimer ce que j'ai lu dans ce qu'on appelle le livre, ce qu'on appelle la Bible. La Bible est très claire, il y a des textes qui annoncent les événements qui sont en train de se produire et qui annoncent ceux qui vont se produire. Donc après, effectivement, il ne faut pas simplement prendre la Bible comme on prend un livre d'histoire pour enfants, mais c'est un livre qui s'étudie, qui a été écrit sur plusieurs siècles, pour ne pas dire millénaires, par différents auteurs, que le chrétien ou le croyant, si on parle du Talmud et des textes anciens, pas le Talmud, la Torah, considère comme inspiré, c'est-à-dire on parle de prophètes qui parlent de la part de Dieu, c'est l'homme qui parle de la part de Dieu, donc la prophétie, ce qu'il annonce, ce n'est pas lui qui le dit, c'est un message qu'il a reçu de Dieu et qu'il transmet à l'humanité, et dans l'Ancien Testament, on trouve un texte qui dit que Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Ce qu'il veut, c'est que l'humain soit prévenu, que l'humain sache ce qui va se passer. Et il n'est pas en train de dire « Attention !» Il est en train de dire « Voilà ce qui va se passer. Maintenant, tu as deux choix. Le choix numéro un, fais-moi confiance, je tiens les rênes. Le choix numéro deux, vis ta vie sans moi et supporte les conséquences de tes choix. » Moi, pour rester dans le domaine scientifique, et pourquoi je pense que d'ici 30 à 40 ans, je vais être très clair, donc apparition d'une intelligence artificielle qui nous dépassera et qui partira du principe qu'il faut faire le ménage, parce que de son propre choix conscient, elle verra qu'on est le paramètre qui gêne la continuité de la capacité à vie sur Terre. Traité dans beaucoup de films. Hein. Exactement, donc là c'est vraiment l'anticipation auquel j'adhère. Ce que Gaël disait aussi est traité dans certains films, malgré tout. Et ça se rejoint, peut-être que c'est la même chose dont on parle. Voilà, qu'une entité divine viendrait... Mais peut-être que c'est la même chose dont on parle. Alors non, que parce je, que ça, on c'est est un dans peu ça que tu dis. Tu dis ah, j'ai pas fini de présenter. J'ai juste parlé de ce qui s'est. Mais bon, ça. Qui a des choses qui sont du côté religieux, qu'est-ce qui est annoncé? Ce qui est annoncé, c'est le retour de celui que les Juifs appellent le Messia, le Messie, que les chrétiens appellent le Christ et que les musulmans appellent le prophète. Ça veut dire que les trois grandes religions monothéistes de notre planète prêchent la venue prochaine, très prochaine, du Christ. Et la Bible, les éléments qu'apporte la Bible, c'est que tous les signes sont écoulés. Si ça se passe comme la première fois que ça s'est passé, ça risque de pas être un gros succès. Ça risque d'être assez épineux. Non, mais c'est parce que effectivement, le problème, c'est que on a pensé que la première venue était un échec parce qu'on a regardé ça d'un point de vue humain. Mais si on prend la dimension universelle au sens de l'univers de la chose, avoir un Dieu qui choisit de se faire créature et qui choisit de mourir à la place de cette créature qu'il a accusée et qui lui a dit écoute, la femme que tu as mis à côté de moi m'a fait pécher, c'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as donné la femme, moi j'ai rien demandé. Et Dieu qui répond pas, qui dit ok, je prends sur moi et je vais venir et je vais le faire. Ce que toi t'as pas été capable de faire, je vais le faire pour que toi tu vives même si tu me rejettes. Ça c'est le message, hein. C'est le texte de la Bible qui n'appartient à aucune religion. Non mais voilà, moi je réfléchissais à... Parce que tout de suite, tu vas dans des explications assez poussées malgré tout. Hein. Oui. Tu sais, nous. Bon, non, mais c'est parce qu'on me pose la question de qu'est-ce qui se profile. Pour moi, c'est le retour du Messie qui vient. Oui, alors, qu'est-ce qu'il. Qu'est... Alors, on va... il faut que tu te mettes à notre hauteur. Mm-hmm. Parce que l'idée. J'essaye. Non, mais parce que l'idée, c'est quoi? C'est que. Qu'est-ce que ça va induire pour des croyants? Qu'est-ce que ça. C'est censé induire un retour d'un guide. Qu'est-ce d'un... que ça devrait induire? Ben, ça devrait induire qu'en ayant étudié ces textes de manière un peu approfondie, c'est remettre en question sa propre existence. Parce que la Bible, l'un des messages principaux qu'on retrouve, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est le terme « repentez-vous » qui a été traduit par « changement radical ». Et il y a un changement radical dans votre vie. Et ça, c'est un mauvais sens. Ça se fait pas. C'est pas moi qui le fais. C'est parce que dans la croyance chrétienne, dans la croyance, il y a un moment où on a un lâcher-prise vis-à-vis de Dieu. Donc forcément, c'est une démarche qui ne peut être que personnelle. On ne peut pas vivre sa foi par procuration. Et une foi par procuration ne permettra pas d'accéder à ce que nous avons coutume d'appeler l'éternité. Mais voilà, c'est le projet de Dieu pour l'humanité n'a jamais été la mort. Sa solution palliative en attendant de résoudre le problème qui est le problème originel, qu'on appelle péché dans la Bible, pour résoudre ce problème, il a mis en place un plan qui dure depuis 6000 ans. Et ce plan arrive à son aboutissement, c'est pour très prochainement, j'ai pas de date à vous donner. Alors tu vois, 6000 ans, c'est court-termisme. Nostradamus. Non, pas obligatoirement, mais 6000 ans, c'est court-termisme. Tu me parles de Nostradamus, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir qu'il y a très peu de temps, il est passé une émission sur une chaîne nationale qui justement prenait un petit peu les théories sur les prophéties, etc. Et il disait que d'un point de vue... Les prophéties de fin du monde. Les prophéties de fin du monde, quelles qu'elles soient, mais les prophéties en règle générale, pas seulement fin du monde. Parce que là-dessus, toi, le monde des croyants ne prophétise pas une fin du monde. Ça dépend quel mouvement. Ah si, la Bible est très claire. La Bible elle-même. Il y aura une nouvelle terre. Alors on a une interprétation. Une nouvelle terre ne veut pas dire une fin du monde. C'est-à-dire ça dépend le moment dans lequel il va y avoir recréation. Il va y avoir recréation. Ça c'est plutôt dans le sens une. Alors c'est là où je te reprends parce que justement c'est pas l'avis de toutes les analyses qui peuvent être. C'est une reconnexion. Pour certains, c'est une reconnexion et pas une récréation. C'est-à-dire une reconnexion avec le monde originel des dieux. C'est plutôt ça. Et je dis bien des dieux, parce que dans les textes d'origine, c'est pluriel. Oui, c'est... Ah ouais ? Dans les textes d'origine juifs, la notion de dieu n'est pas au singulier. Il n'y a pas... Parce que c'est le dieu tripartite. D'ailleurs, il dit au début « faisons l'homme à notre image ». Il ne dit pas « je fais l'homme à mon image ». Donc il y a cette idée d'un dieu, il y a un seul dieu, mais qui est en trois parties. Mmh. Et il y a une des parties... qui s'est fait homme pour pouvoir justement racheter l'humanité. Ça c'est le. Et l'avenir. Alors l'avenir justement, c'est de dire que avant cet événement-là, pour que tout aille à son terme, pour permettre à l'humain de choisir et de se positionner, eh ben il y a des événements effectivement cataclysmiques qui sont annoncés. Le texte lui-même précise qu'il y a des centaines je ne sais pas comment on peut exprimer le terme exactement, mais des centaines de milliers, pour ne pas dire de millions de personnes, qui vont disparaître par différents cataclysmes. Et par cataclysme, je ne parle pas forcément de guerre, même s'il y en aura des guerres et qu'elles sont annoncées. Il y en a certaines qui ça, ont déjà ça, eu. Ça, c'est le fait religieux qui le c'est dit. Ce n'est pas le fait religieux, c'est le texte qui le dit. Le texte religieux dit qu'il va y avoir des cataclysmes. Ouais. C'est les 7 fléaux d'Égypte, quoi. Il y en a 7. Non, il y en a eu 10. Il y en a eu 10, mais il y en aura 7 à la fin. Et c'est intéressant d'étudier ça un petit peu plus pour se rendre compte qu'il y a une dimension qui nous manque complètement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, pour en revenir à... Parce qu'on peut dire, oui, bon, ça c'est la Bible, ça va, c'est des vieux textes. Ce qu'il y a d'intéressant, et c'est là, à ça que je voulais en venir, c'est que la prophétie, on part du principe que un texte prophétique, on peut considérer qu'il est valable à partir du moment où certaines de ces prophéties se sont réalisées. Le truc avec la Bible, c'est qu'on a tendance à dire qu'à partir de 16 prophéties qui sont réalisés, le texte qui est écrit est considéré comme crédible sur ce qu'il annonce pour la suite. C'est ce qu'on a fait sur d'autres textes. Le problème avec la Bible, c'est qu'il y a déjà 300 prophéties qui se sont réalisées. Et on continue à dire c'est de la fantaisie. Et le problème, c'est qu'il en reste encore autant qui doivent se réaliser. De mon point de vue, on va pas aller sur c'est le terrain. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'était l'émission télévisée dont je vous parlais un peu plus tôt sur une chaîne nationale. Notre ami PJ nous a fait écho ce midi d'une émission télévisée sur RMC. Oui. Non, mais il y a beaucoup. Alors voilà, c'est là. C'est comme ce qu'on s'est dit à la soirée un peu de l'étrange, de l'ésotérisme et du fait religieux. On a différentes interprétations. Alors après, de mon point de vue, moi, on peut aussi envisager que par le plus grand des hasards, déjà, il ne va rien se passer. Et par le plus grand des hasards, on va juste mourir de la faim des ressources naturelles. Donc il ne va pas rien se passer. Oui, mais ça ne sera pas du fait de Dieu. Je vais finir ce que j'avais en tête. Ça sera juste du fait de nos conneries. Moi, je vais finir ce que j'avais en tête. Pour moi, on peut croire ça. Clairement, l'histoire d'IA que j'ai racontée peut très bien se rapprocher justement d'une vision moderne de Dieu. C'est-à-dire que IA, intelligence artificielle. Hein. On est d'accord. Mmh. Pour moi, c'est peut-être ça, en fait, la forme moderne que ça peut prendre. Voilà. Et là, dans ce cas-là, ça peut parfaitement rapprocher nos deux mondes, parce que d'un seul coup, on se dit, en fait, on parle de la même chose dans deux formes différentes, mais non, ça peut arriver à la même chose. Je comprends ce que tu veux dire, mais comme je parle d'une intelligence qui existait bien avant que l'homme n'existe sur la Terre... Si elle s'est incarnée sous forme d'homme, pourquoi ne s'incarnerait-elle pas sous une autre forme ? Parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver. On ne sait pas. D'après, pour le croyant qui étudie le texte, ce qui... Un texte qui date d'il y a 2000 ans. Tout est accompli. Tu vois, un texte qui date d'il y a 3500 ans pour le plus ancien et d'il y a 2000 ans pour le plus récent. Donc je pense qu'il peut parfaitement y avoir eu des évolutions. Mais pour être beaucoup plus dans le concret... Des évolutions, pas dans le texte. Marqué. Enfin, moi, avec autant de temps et autant de laps de temps, je pense qu'il y a toujours des évolutions. Ce qui va se passer, à mon avis, donc voilà, ça, un calcul très cartésien d'une intelligence artificielle qui apparaîtrait dirait qu'on est le facteur à éliminer, voilà. Ça je suis assez d'accord, c'est ce qui ressort tout le temps. C'est l'humain, le maillon faible de notre planète. La deuxième chose, c'est l'appauvrissement des ressources naturelles et la pollution de l'environnement qui nous rendra non féconds. Et s'il n'y a pas de fécondité, on est en train de nous rendre non féconds, on va arriver vers quelque chose de très simple, c'est qu'il n'y aura pas de renouvellement de population. Dans tout ce qu'on peut supputer s'il y a sur l'avenir... Non mais attends, s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de génération. S'il n'y a plus de génération, il n'y a plus d'être humain. Ce qui est marrant avec ça, c'est vrai qu'il suffit de brasser tous les films d'anticipation qu'on voit depuis les années 80 pour à peu près passer en revue tous les scénarios catastrophes. Parce que depuis les années 80, on y pense. Non, parce que là, tout le monde y a pensé. Les problèmes de fécondité, il y avait le fils de l'homme, il y avait le film, là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, mais il y a juste ce quotidien aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Les problèmes de fécondité ? Les problèmes de fécondité aujourd'hui sont de plus en plus nombreux chez beaucoup de gens. On ne va pas se voiler, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des enfants. Dans nos pays, hein, on parle de pays civilisés et qui sont soumis à tout ce que nous avons, que ce soit en pesticides, en électronique. Ce qu'on voit, je reviens à l'eau. Pareil, il n'y a aucune preuve que c'est lié à cela. C'est évidemment qu'il n'y a pas de preuves. Le jour où il y aura des preuves, mais t'imagines la catastrophe. Ouais. Qui va être pointé du doigt? Ceux qui ont été les fautifs de cela. Et ça remonte à des décennies. Non, il faut arrêter de se voiler la face. Dans tous les domaines de la médecine, on sait qu'on va aussi dans le mur, d'un point de vue purement sanitaire, par rapport au sujet qu'on évoque, celui de la fécondité. Mais alors, attends. J'ai encore un autre argument. On parle du risque sur la santé, mais je vais te dire, mais regarde, la santé la médecine, les progrès qu'elle fait. Sous peu, on va inventer des médicaments, sans doute, contre le cancer. On va inventer... Mais le cancer, on en parle depuis quand ? Contre la vieillesse. Alors, Julien, exemple typique. On invente un médicament contre la vieillesse. Je suis Alors, c'est génial. Médicament contre la vieillesse. On vit plus longtemps. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on ait d'enfants, parce que sinon, c'est surpopulation garantie. C'est ça, c'est garanti. Donc, ouais, mais on y va tout droit, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ce que je dis. Déjà, on va tout droit vers le mur. Non, mais déjà aujourd'hui, de toute façon. Les centenaires n'ont jamais été aussi nombreux. Non, mais continuons comme ça, on va droit vers le mur. L'être humain, la société, la civilisation ne peut vivre que si elle a un début, une fin. C'est con ce que je dis, mais si on se met à voir l'homme bicentenaire, tricentenaire, quadricentenaire, il n'y a plus de société, il n'y a plus de civilisation, on meurt. On mourra intellectuellement d'ennui, on mourra de renouvellement des générations. Parce qu'on est très limité. Parce qu'il n'y aura plus de remise en cause par la nouvelle génération de ce qu'avaient fait les anciens. Et c'est le mouvement qui crée la société. Terminé. La société mourra par elle-même. Tu retrouveras des spécimens d'humains dans les stations orbitales qui survivront dans leur coin pendant les millénaires. C'est génial. Ils seront 2-3 à faire un petit poker. En train de se faire bouffer par des aliens. Non, mais clairement, mais ce ne sera plus une société. Enfin, voilà, il faut arrêter. La Terre peut contenir un certain nombre d'êtres humains conditionnés pour naître, pour mourir. Malheureusement, on répartit mal la richesse, donc certains meurent très tôt, certains meurent très tard. Il y a des déséquilibres qui sont absolument effarants. C'est pas seulement une question de richesse, parce que quand on voit que dans nos pays riches, on est capable de se rendre malade et de se tuer soi-même, que ce soit avec dans nos excès ou dans nos consommations. Et il y a des consommations qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a des années, et qui sont également en train de détruire notre santé sans qu'on s'en rende compte. Après, on peut crier au complot, on peut faire le complotiste et dire, et là je vais revenir sur l'idée de l'intelligence artificielle qui serait déjà en route et qui serait en train d'empêcher l'homme de se reproduire pour justement détruire l'humanité. Moi personnellement, je vous ai exprimé que c'était déjà. Vous savez quoi ? Je trouve que c'est très bien parce que là, on est vraiment dans l'avenir. Ça fait plusieurs minutes que je me posais la question. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aborder vraiment l'essence du sujet un peu catastrophiste que Lou nous a proposé. Ah oui, le sujet de ce soir a été proposé par Lou, donc ne te défile pas, mademoiselle. Ah oui, on ne l'a pas entendu beaucoup en parler, effectivement. Oui. Non, mais c'est vrai, des grandes gueules. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est vrai que... Je suis sûr qu'en temps de parole... Le prisme de la disparition de l'homme, PJ, Gaël... ont exprimé deux points de vue. Voilà, mais c'est vraiment ce prisme-là que je trouve intéressant. Parce que voilà, comme tu dis, PJ, si on tue la mort, il y a plein de philosophes et de penseurs qui sont en train de parler de ça. Hein. C'est dans l'air du temps. Notre, comment il s'appelle, Laurent Alexandre, c'est ça, hein, ancien PDG de Doctissimo qui fait des bouquins sur l'intelligence artificielle, on parle régulièrement. Il est très branché transhumanisme. C'est vrai que demain, on va sans doute inventer des choses au niveau médical qui vont permettre de repousser les limites. Mais tu ne vas pas couper la science et leur dire non, vous touchez au sacre-saint, mort, machin. Non, la science, c'est ce qu'elle est. C'est comme l'IA. Je ne lui donne pas une dimension religieuse. Je dis juste que le sens même de cette évolution... Est-ce qu'il faut empêcher l'évolution de la science et de la médecine pour ça, alors ? Non, il faut pas l'empêcher, mais il faut juste comprendre que voilà, il faut la cadrer. Il y a certaines limites à pas respecter. Il faut faire les choses dans le bon sens. Des limites à respecter. Ah oui, des limites à respecter, pardon. Non, je me suis embrouillée. Mais ça sert à rien qu'on soit immortel en vivant sur des tas d'étritus. Mais à mon avis, la question, Lou, ça sera pas ça. Ça sera le scientifique, il a réussi à le faire. Et est-ce qu'on l'utilise ? Et le problème, c'est qu'une fois qu'il y en aura un qui l'utilisera, soit l'humanité entière épouse ce concept... soit il faudra le tuer et mettre le secret dans une boîte et cacher sous terre. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, ce sera réservé à des élites qui ont le plus d'argent. Ah, mais tu vois, donc il y a tout un tas de raisons. On ne pourra pas empêcher la science de sortir ça et que... Le problème, c'est que là, on est vraiment dans de l'hypothétique. Ce sont des philosophes. De mon point de vue, c'est demain. Ouais, le transhumanisme, c'est demain. Ouais, c'est clair. Quand on voit les milliards qui sont injectés par Elon Musk, par le PDG de Google, Alphabet. Oui, parce que ce qu'ils cherchent, c'est une solution pour eux pour ne pas disparaître. Je suis pas donc certain. Une élite. Non, je suis pas certain que ça soit un sujet d'élite. PJ. Ah bah, de toute façon, c'est pas pour le bien de l'humanité. Là, en ce moment, la manière dont c'est créé, donc c'est cherché, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est pour un bien personnel. Et cette solution, moi je suis beaucoup plus sceptique que toi par rapport à ce sujet, cette solution ne sera pas trouvée. Parce que pourquoi les populations, au bout d'un moment, vont comprendre que ça, ce type de solution ne leur est pas adressé, et ils auront besoin de trouver... La question, c'est quel avenir pour l'humanité ? Quel avenir ? À un moment donné, on va se poser la question. On va peut-être totalement changer de paradigme, justement, grâce à ça. Enfin, moi je suis assez optimiste. Problème, c'est que, de toute façon, il faudra l'accepter. On... Oui, mais le problème, c'est que quand tu dis « on », tu ne prends pas en compte les... On est combien de milliards aujourd'hui ? 8 milliards d'habitants ? On a passé les 7 milliards d'habitants. 7 c'est milliards, pas spécialement... J'ai vu une tribune qui est passée dans les magazines scientifiques où il est maintenant mis sur la table le fait qu'il va falloir trouver une solution sur le taux de natalité non contrôlé en Inde et en Afrique. Parce qu'à ce rythme-là, 30 ans, et il n'y a plus rien à bouffer. Oui, mais on est 7 milliards. Ce que je veux dire, c'est donc que... la question est sur la table aujourd'hui. Si on parle de trouver un remède, excuse-moi de le dire comme ça, un remède à la mort. C'est quelque part, c'est ça. Oui, mais ça, tu n'empêcheras pas l'humanité de travailler là-dessus. Mais je n'empêcherai pas, je ne veux pas l'empêcher. Mais le problème, c'est qu'on présente ça comme étant quelque chose qui va arriver demain. On a été incapable de trouver quelque chose pour le sida, on a été incapable de trouver quelque chose pour le cancer. Quand ces personnes seront atteintes de ces maladies, qu'est-ce qu'on fera ? C'est justement là où il y a le plus de recherches. Mais puis, voilà, on y est. Regarde les milliards injectés dans les recherches. Moi, je peux te dire, on ne trouvera pas. Lou, mais vas-y. En fait, c'est surtout que ce que tu as dit, c'est très révélateur, Gaël. La mort, c'est pas une maladie. Non. C'est parce qu'on était dans le discours. C'est exceptionnel hein. Va dire ça à quelqu'un. Non, mais va dire ça. C'est extraordinaire. Ah oui, mais je suis va dire ça à quelqu'un qui est à l'aube de sa mort, d'une maladie de longue durée, etc. Et on ne pourra pas effacer la douleur de la perte. Et ça, c'est parce que la perte, c'est pour et de la maladie. C'est pas pour celui qui malgré tout, mais c'est ça qui nourrit les milliards d'injectés dans la médecine. Mais c'est aussi... Sinon, on dit, on arrête le trou de la sécu et on arrête de rembourser et tout. Et comme ça, on crève tous le plus vite possible. Non, mais c'est ça le sujet. Est-ce qu'on arrête de rembourser les médicaments pour qu'on crève plus vite ? Il y a Lou qui veut parler. Non, mais tu attends pour une, hein. Ouais, heureusement que t'es pas à côté de moi. C'est pour ça que je reste derrière la vitre. Hein. Non, c'est surtout que c'est aussi dans notre société où la mort est vue comme une perte. Il y a d'autres sociétés où c'est juste vu comme voilà, il vit autre part dans un autre état et on le pleure pas autant. C'est nous en tant que société occidentale, on est tellement attaché à tout. C'est non, c'est mon stylo, non, c'est mon étui à lunettes, non, c'est mon être vivant. Touche pas, il reste là avec moi. Mais non, c'est naturel. Ça fait partie de la vie et il faut savoir l'accepter. Ça, c'est une dimension philosophique. Une philosophie. Regarde les Africains, regarde dans les Caraïbes. On fait la fête le jour où les gens sont morts. On enterre les gens dans la musique, dans la joie. Alors, on est heureux. Dans les Vosges aussi, hein, ça arrive de sabrer le champagne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ou de se réunir autour d'un vin blanc. Hein, ma chère belle-mère. c'est une joke qui revient régulièrement, les belles-mères. Non, mais bon, le danger pour nos amis religieux, c'est ça. C'est le jour où on va tuer la mort. On va surtout tuer Dieu une bonne fois pour toutes. Bah, comme alors, Nietzsche, déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui existe et que donc, en faisant ça... Ah non, ça, on va tuer la croyance. On va tuer la croyance. De mon point de vue, quand je dis Dieu, c'est une croyance. Hein. Moi, je peux te dire que ce qui va se passer... peu importe les recherches qui seront faites, la solution ne va pas être trouvée aussi rapidement que les problèmes arrivent. Et les problèmes arrivent bien plus vite que la solution. Et les problèmes se multiplient de manière exponentielle, alors que la solution, on n'en a jamais été aussi proche, mais en même temps, on en est toujours aussi loin. C'est étonnant. Alors, je pense qu'on dit ça tout de suite maintenant, parce qu'on est à Radio Gemozo et tout a l'air de dater de plus de 30 ans, mais c'est vrai que la technologie est telle aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vache. Bon. J'aurais dit 40 ans, mais bon. Nous sommes bloqués dans les années 80. Non, c'est vrai qu'on a l'impression d'être. Et c'est ça. Il est 21h, bientôt 30 minutes, et effectivement, nos cerveaux commencent à déconnecter. Alors, nous sommes en 2018. N'en déplaise de la qualité sonore. Nous sommes en 2018. Non, mais bon, non, de toute façon. Faut bien se dire qu'on ne pourra pas empêcher la science de progresser. On ne pourra pas empêcher le progrès. Ah, ça c'est clair. Non, et je trouve que c'est une connerie, les gens qui commencent à faire de l'obscurantisme à base de « Ah non, le progrès !» Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de progrès. Il y a eu des progrès, mais il y a eu aussi beaucoup de régressions. Et on parle de science, on ne régresse pas en science. Bah, d'une certaine manière, le problème qu'on a dans la science, c'est qu'on considère qu'on sait et qu'on connaît. Et il y a des choses, certes, qui sont remises en question, fort heureusement, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément et qui parfois devraient pouvoir l'être, même si on est bien d'accord, 1 plus 1 égale 2, bon, c'est difficile de faire autrement, alors, etc. Je mets ça en parallèle aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure avec PJ sur l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais c'est simplement une intelligence artificielle qui avale la connaissance humaine actuelle. Mais vous l'avez dit vous-même, cette intelligence artificielle, à quelle conclusion elle va arriver ? C'est de dire que l'humanité est le maillon faible de cette planète. Ah, c'est donc, clair. Donc, faut-il continuer à aller dans ce sens-là ? Alors oui, d'une certaine manière, parce qu'on va tuer l'homme. Waouh, super projet. Alors, non, mais c'est pas ça. Ah bah, d'une certaine manière, si, c'est ce qui a été dit aussi. Ouais, mais tu vois, de mon point de vue, je place ça au-dessus de moi. Parce que pour moi, c'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de l'espèce humaine. De toute façon, on va pas en profiter, hein, c'est très clair. Mais de mon point de vue, la science est évidemment au-dessus de nous. Pense à l'univers, pense au trou noir. Attention, l'univers et le trou noir, c'est pas la science. La science, c'est le fait d'étudier ces choses-là. C'est rien de plus. L'univers était là avant nous. L'univers n'a pas eu besoin de l'homme pour apparaître. Le trou noir n'a pas eu besoin de l'homme pour apparaître. Il n'a pas eu besoin de l'homme que l'homme se pose la question. Tiens, Qu'il y ait des trous noirs ou qu'il y ait toute cette grandeur atomique et cette complexité pour qu'on apparaisse quand même. On est issu de ça. On n'est que poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. On est poussière au milieu des étoiles. Moi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, la Bible dit « Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière ». Je donnais comme référence Hubert Reeves. Oui, mais chacun ses références. Et pour citer une nouvelle fois ma référence, sans parler de ma préférence pour prendre une chanson, désolé pour le jeu de mots. Ma référence, à moi. Voilà. Mais ça va, c'est très années 80. C'est... On continue. Il y a une référence qui dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». Le problème, c'est qu'on est en train de se confier dans nos propres capacités qui sont limitées. Malgré tout ce qu'on peut dire, nos capacités sont limitées. Quand on prend un Albert Einstein qui était lui aussi croyant, voilà, il y a des gens qui, malgré toutes leurs connaissances, malgré tout leur savoir, malgré toutes les compétences intellectuelles, éventuellement même émotionnelles qu'ils avaient, ne pouvaient pas renier une existence divine. Donc, aujourd'hui, on est en train de se dire, c'était un petit peu le principe de la science quand même, de prouver que Dieu n'existe pas depuis le début. Je te confirme que nous œuvrons toujours à ce dessein. Voilà. Oui. Mais pourquoi ? Parce que la religion, et je ne vais pas parler de la Bible, mais l'humain a utilisé la religion pour créer de l'obscurantisme dans une idée de profit. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et je suis désolé de le dire, le naturel de l'homme va faire qu'il continuera de détruire les autres pour son propre intérêt. On a fait une soirée religion. T'étais pas là ce jour-là. Oui. Mais une des conclusions qu'on avait mis en œuvre dans le débat, c'était de dire que c'était surtout un élément pour l'homme de combler les manques, de combler l'ignorance aussi. Donc, mais c'est aussi ça que c'est pour ça que je te dis que la science est en train de tuer Dieu. C'est parce que Essaye de tuer Dieu. On est bien d'accord. C'est pas qu'elle essaye volontairement de tuer Dieu, mais de fait, elle tue Dieu parce qu'elle rentre en concurrence. Voilà, elle comble ses briques alimentaires. Elle tente de combler ses briques alimentaires, et pourtant, on n'a jamais. C'est terminé. Pour toi. Accepte qu'il y ait 90% de la population qui soit croyante sur la Terre. Accepte qu'il y ait 90% de la population qui dise « Il existe un Dieu au-dessus de moi ». Il faut l'accepter. Le problème, c'est qu'on est en France, on a l'impression que la France est le centre du monde, mais c'est pas comme ça. Pour un non-croyant comme moi, c'est pas parce que 90% des gens croient que je vais être obligé de croire. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a une chose plus intelligente que ça, c'est qu'on n'oppose pas science et religion. Ça n'empêchera pas qu'il y ait 90%. Vous avez tous les deux raison, mais on n'oppose pas science et religion parce que le problème de la religion, c'est que c'est un fonctionnement d'homme. Et le problème de la religion, c'est que c'est quelque chose qui est basé sur l'interprétation de textes eux-mêmes interprétés. Donc c'est quelque chose qui dépend totalement de une vue d'élite qui pendant longtemps ont pris ce savoir pour le distiller aux gens. Alors tu es en train de me dire Et toutes les religions ont ça en commun. Donc tu es en train de me dire qu'un pêcheur sans éducation fait partie de l'élite ? Ça, je parle d'un auteur, hein. Je parle d'un auteur. Ça, c'est faux. Alors, j'ai pas compris cette réflexion. Bah, c'est-à-dire qu'il nous dit que les élites qui ont écrit et interprété ce texte... Des érudits, oui. Ces textes, parce que c'est valable dans beaucoup de religions, hein, clairement. Il n'y a pas de textes qui sont arrivés jusqu'à nous sans avoir été interprétés. Hein. Surtout dans des populations à l'époque totalement inalphabètes. Je rappelle que les communications étaient orales pendant longtemps. Oui. Et Moïse a été le premier à écrire, à poser par écrit les histoires. Il n'y a que les religieux qui ont eu la connaissance du texte. Et c'est pour ça tout l'intérêt de pouvoir retrouver des textes anciens. Les manuscrits de la Mer Morte sont une preuve irréfutable que le texte n'a pas été transformé depuis 600 ans avant Jésus-Christ pour tout l'Ancien Testament, sachant que le dernier texte de l'Ancien Testament... Sauf les relectures du 5e siècle. Tu les oublies un peu vite. Quelle relecture du 5e siècle ? Eh ben, regarde les épîtres du 5e siècle et le congressatoire. Alors, de saints. Débat d'experts. C'est hyper complexe, mais ça avait été prouvé qu'il y avait eu, en fait, dans les textes d'origine, une sélection de certains apôtres et pas d'autres. Alors, messieurs, mais là, tu me parles des apôtres, on parle de la Torah. Messieurs. Non, des apôtres, le christianisme. Recentrons le débat. Ils n'ont été gardés que les versions de Saint-Pierre. Nous allons faire une mini pause parce que j'ai très soif. Et ça, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Nous rentrons dans du débat de texte. Il manque des avis. Qu'est-ce qu'elle fait, Lou ? Il manque des choses, évidemment. Il faut qu'on se taise. Il fait signe. Voilà. Lou est en train de faire signe. Il faut que tu fasses avec du son. C'est un micro. J'essayais juste d'avoir leur attention pour qu'ils se taisent et que tu puisses passer la musique suivante. Oh, c'est mignon. On se retrouve dans quelques instants. Et on a Pandy Panda qui demande. Mais c'est vrai, c'est quoi ces gants? Elle a quand même les gants. Les auditeurs n'ont de pas Pandy l'image. Panda. Elle a les gants et elle a le bonnet avec les petites oreilles. C'est incroyable. On a tout, nous. On a l'image, on a tout. C'est exceptionnel. Merci, Lou, de nous permettre d'atterrir à nouveau. Il faut. Non, mais de toute façon, on en viendra à ça très prochainement. Il faudra qu'on mette une webcam pour le débat des hauts. Je pense qu'il faudra qu'on ait une... Ah non, mais on va finir par publier sur YouTube le fonctionnement. Voilà, on peut publier. Non, il faut garder un peu de mystère. Ah non, ce serait top. C'est triste. D'ici 5-6 ans, on sera sur France 2. Allez, je... Musique. Musique. Gravité, la radio des découvertes. Radio Guimauzo, 107 FM. La radio qui ne ressemble à aucune autre. Nous sommes de retour à l'antenne avec nos amis. Non, tu es en ligne. Ah, non, voilà, ça y est. Non, j'ai bien aimé le jingle, la radio qui ne ressemble à aucune autre. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'elle nous ressemble ? Nous y essayons. Alors, c'est la radio des années 80. Alors, pour conclure ce qu'on disait juste avant, on était en train Alors, de... Alors, il faut dire aux auditeurs que hors antenne, vous étiez encore dans un débat nourri. Alors, ce qui est sur le texte. Hein. Non, ce que je trouvais très intéressant, c'est que dès qu'on met la musique, les esprits se calment, on discute de manière très, très, très, très, très sympathique. Et c'est vrai que quand on remet les micros, hop, ça a tendance mais à revenir. Mais du contenu. Voilà, on essaye d'apporter de la passion un peu dans ce débat. On le vit. Voilà. Mais ce qu'on était en train d'exprimer, c'est qu'on n'a jamais vu autant de religiosité autour de nous. Et quand je dis religiosité, c'est-à-dire de faits marquants dans ce 21e siècle, on n'en a jamais vu autant que pendant la période, justement, dite moyenâgeuse, de l'obscurantisme. Donc oui, il y a un retour de l'obscurantisme religieux qui se fait. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire pour autant que le texte doit être aboli. Ça, c'est la chose que je voulais dire. Oui, la science fait des progrès, fait des avancées et fait des découvertes et essaye d'améliorer notre quotidien. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudra faire avec le fait religieux, un fait religieux qui nous présente un président américain entouré de pasteurs, qui prie à la télévision, etc., qui demande la bénédiction sur le président américain, là, etc. Ça va très, là, très loin. Flippant, hein. Combien de... Comme au Brésil, hein, au Brésil, c'est pareil. Hein, il a remporté ça grâce... Ouais. Combien de chefs d'État vont au Vatican s'incliner devant le pape et lui demander conseil ? Ils vont demander des conseils au pape. Attendez, on est en train de dire que des chefs de gouvernement qui ne sont pas censés afficher d'entité religieuse, il faut savoir que notre précédent président est allé le voir et a fait partie de ces chefs d'État, hein, et pour aller demander des conseils. Les chefs d'État sont dépassés. Comment faire pour sortir leur pays de ce marasme ? Donc, le fait religieux va reprendre beaucoup plus de place qu'on ne peut l'imaginer. Moi, je vous le dis, je le dis simplement parce qu'on le constate. Excuse-moi, mais qu'un chef d'État aille voir le pape, ça veut pas dire que le chef d'État va voir le pape pour lui demander une solution. Ça veut juste dire qu'il va voir un chef d'État qui représente un fait religieux, mais il va aller voir le Dalai Lama ou qu'il va aller voir un grand imam. La grande question, c'est pourquoi dans ce cas-là, les chefs d'État de l'Europe sont allés voir, je sais plus si c'est en 2016 ou en 2017. Non, c'était avant Macron. Donc voilà, puisqu'il y avait François Hollande qui était chef d'État. Et ils sont allés se présenter donc devant le pape. Il y a des vidéos que vous pourrez retrouver sur YouTube où ils sont en train, d'abord il y a un discours, ils discutent ensemble et ensuite on les voit chacun à leur tour poser des questions pour demander comment résoudre tel ou tel conflit dans leur pays. Donc moi je suis désolé, non, mais... ça veut bien dire qu'on va demander des conseils à un autre chef d'État. Que et crois-tu qui se passe lorsque Emmanuel va aller voir Angela pour discuter ? À la différence je suis d'accord avec PJ. À la différence, faut que pas là, donner parle, plus d'importance on que parle d'État à État. Et la différence, c'est que mais c'est pas Angela Merkel. Le pape Merkel est un chef d'État. Et voilà. Gaël, t'es le premier à me dire qu'il faut qu'on ait conscience des 90% de personnes qui croient en Dieu. Qui de mieux qu'un guide religieux, qui est d'autorité mondiale, pour discuter diplomatie avec des chefs d'État. Ça me choque pas, moi. Est-ce que ce chef religieux avait autant de pouvoir il y a si peu de temps? Si, quand je dis si peu de temps, je parle de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, pape Grégoire, que je dise pas de bêtises. Et puis, on a vu le rôle qu'ils ont eu, très contrasté par rapport aux nazis. Et très controversé. Ils avaient déjà un pouvoir. Et qu'est-ce qui est ressorti ? Ils l'ont mal utilisé. Et qu'est-ce qui est ressorti ? La création de l'État du Vatican. Non, il existait déjà avant, excuse-moi. Mais la cité du Vatican était déjà connue avant. L'État du Vatican. L'État du Vatican, c'est la forme moderne pour permettre d'éviter les problèmes entre la création l'Italie de fasciste l'État du Vatican et le Vatican. C'est une Suisse. C'est pour ça que ça a été créé. C'était la seule idée. Mais quelle année ? Non, 1954. Ça a été créé. C'est post-Seconde Guerre mondiale. Alors, ce que je veux dire, c'est 1954, on a reconnu les cités du Vatican pour mettre dans les textes c'est là que ça a été signé. Au niveau de l'ONU. Tout à fait. Ce qui avait été fait de manière non officielle mondiale. En 1942. Par Mussolini, qui était hyper croyant. Qui n'est Mussolini pas étant allé du côté d'Hitler, mais ayant une très mauvaise conscience dans la manière dont étaient gérés les gens, il s'est dit, monsieur Mussolini, j'ai mauvaise conscience. Oui, c'était un salaud et un dictateur, faut le dire, mais il avait mauvaise conscience. Et donc, pour protéger des populations, il a donné une autonomie, comme nous on l'avait fait à Monaco et à Andorre, à la cité du Vatican, pour dire officiellement à Hitler, moi je peux pas aller y mettre les pieds, c'est un pays dans mon pays enclavé, je peux l'entourer, je peux rien faire d'autre. Et du coup, ça lui a servi d'excuse pour dire, je protège quand même des populations. Tout à fait, mais ce que voilà. je veux dire, mais c'est que... été reconnu après par l'ONU, mais c'est juste pour passer dans le droit international. On est bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette autorité religieuse qui est une autorité d'État ne l'était pas... Contextualiser avec l'avenir, s'il vous plaît. Oui, justement. Sinon, vous faites un hors-sujet, messieurs. Non, mais pour pouvoir contextualiser avec l'avenir, on est obligé de regarder dans le passé. Cet État religieux qui était l'Église catholique au XVIIIe siècle est mort d'une mort atroce, entre guillemets, avec ce que va faire le général Berthier. C'est historique, 1798. Tu peux remonter à l'Avignon si tu veux faire ça. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, et tous les religieux le reconnaissent, l'Église catholique a connu une mort, une forme de mort. Et cette représentation de l'Église catholique a perdu de son autorité de manière énorme à ce moment-là. Et tu veux en venir où dans l'idée du futur que c'est un cycle ? Non, c'est pas du tout l'idée que c'est un cycle. C'est l'idée que cette entité religieuse retrouve petit à petit du pouvoir. Et elle retrouve du pouvoir d'abord par un chef religieux qui va faire des démarches vis-à-vis de certains gouvernements. De la diplomatie. Ensuite, oui. De la diplomatie. Ensuite, qui va être reconnu comme un État et qui va pouvoir exister à échelon égal. On parle quand même d'un chef religieux avant de parler d'un chef politique. Hein. Mais tu sais, si tu replaces dans les contextes mondiaux, moi je veux bien, mais dans ce cas-là... Tu peux tout simplement te dire que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait à partir de 1950 avec l'Arabie Saoudite, où on a donné justement un statut de pays à une ancienne colonie en disant la Mecque est votre endroit, nous on a le Vatican, vous avez la Mecque, et on vous donne une importance par rapport à la chose pour dire que ça existe. À cette différence, que l'Église catholique est présente sur notre planète depuis un petit peu plus longtemps que l'Église musulmane. Il n'y a pas d'église musulmane en tant que telle. Tu comprends ce que je veux dire. Mais quantité. Dans ce cas-là, je passe côté juif, tout simplement. On a créé Israël aussi en 1950. Hein. Enfin voilà, faut. Mais c'était pareil, c'était un pays. Et c'est intéressant de voir qu'il y a certaines dates quand même qui sont très très proches les unes des autres. Juste après la Seconde Guerre mondiale, pour mettre la paix entre tout le monde. Ça a été ça l'idée. Tout à fait. Mettre la paix entre toutes les religions. Et en faisant ça. On sent indirectement s'en rendre compte. Souvenons-nous quand même que c'était, il me semble que c'est le pape Jean-Paul II qui avait accueilli le grand rabbin pour justement dialoguer du retour de la paix sur son territoire par rapport à la guerre entre la Palestine et Israël. Donc même les chefs religieux d'autres religions viennent le voir pour lui demander conseil pour résoudre leur conflit. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce quelque chose de complètement anodin. De beaucoup de gens derrière. Tout à fait, mais ce n'est pas quelque chose de complètement anodin. Mais on reste dans la diplomatie blanche, hein. Ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Et pour en arriver à ce que tu disais, le fait qu'on ne fasse pas un hors-sujet, c'est que je pense que cette entité-là... J'attendais un peu de vous dire que vous étiez totalement hors sujet. Non, parce que cette entité-là va avoir un impact extrêmement important sur l'avenir, parce qu'elle prend de plus en plus de place. Bah, c'est là-dessus qu'on a une divergence, toi et moi, c'est que je suis certain que le religieux prendra de toute façon moins de place. Alors, c'est, à mon avis, les soubresauts d'extrémisme qu'on subit dernièrement, sont les phénomènes de résistance, sont les gaspes de la mort de la religion. C'est des soubresauts obscurantistes du fait que elle est au pied du mur, la religion. Est-ce que la religion peut faire quelque chose pour l'emploi? J'ai pas l'impression. Est-ce que religion peut faire quelque chose pour l'environnement? J'ai pas l'impression non plus. Donc, non, la religion, tant qu'elle est menée par des hommes qui vivent dans leurs intérêts, non. En termes d'avenir de l'humanité, je pense qu'un des problèmes de la religion, c'est qu'on constate qu'elle n'a plus de rôle. Moi, je vais aller encore plus loin. Je pense, dans ce cas-là, pourtant, que la future religion, la religion qui remplacera toutes les autres, parce que je suis persuadé, nous sommes dans une société dans laquelle nos jeunes, quel que soit l'endroit où ils sont élevés dans le monde, sont soumis au même médium. Ils sont hyper connectés. Mmh. Ils en sont donc soumis à la même soupe culturelle. Mmh. On va être très honnête. Mmh. Cette soupe consumériste, musicale, identique à quatre coins du monde, dans lesquelles les cultures sont en train de se mélanger. Donc pour moi, dans le futur, là on parle d'une opposition science-religion, mais en fait, dans le futur, ce sera consumérisme-religion. faut pas se voiler, ce sera ça le combat. Le consumérisme va être la religion de demain, hein. Ne nous voilons pas. C'est pas seulement le consumérisme. On aura une religion, une religion mondiale. Alors, oui, voilà. Non, ça, mais oui, ça, je suis d'accord. C'est une bonne idée, PJ, mais je pense que ça va à rebours de ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on va tout de suite plus dans du consumérisme qu'on ne l'est déjà, on a évoqué tout à l'heure le fait que ça... Je suis pas pour qu'on y aille, mais c'est ça qui va nous perdre. Bah oui, parce qu'on a déjà dit qu'on est déjà à la limite. Non, mais si on consomme plus qu'on consomme aujourd'hui, on est c'est tellement fort et tellement une lame de fond et tellement facile de se noyer là-dedans, dans ce consumérisme qui nous est vendu pré-mâché et pré-consommé, que les gens de toute façon ne se poseront pas la question, ils iront. Et tu pourras faire ce que tu voudras, de toute façon, comme ils iront de plus en plus et qu'ils ne vont rien entendre d'autre, ça ira au mur. C'est évident. Et on finira par s'éteindre. Ah, c'est clair ? De toute façon, on va dans le mur. Ça c'est évident. Quel que soit le regard qu'on a, on est assez pessimiste là-dessus. Donc c'est totalement dans le raccord, justement. Et en termes, on n'a pas parlé des guerres. Les guerres, elles vont être au milieu de tout ça. Hein. Moi, je pense non pas à une future guerre mondiale, mais à des futures guerres territoriales. On est à fond là-dedans. Parce que les mouvements migratoires vont créer des mouvements de ressortir de frontières. Et donc, il va y avoir de nouveau... Là, en ce moment, tu parles de mouvements migratoires, ouais. Mais doit-on rappeler qu'il y a des mouvements migratoires Depuis le début de l'humanité. Je voulais parler de mouvements migratoires environnementaux, climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont obligées de quitter leur terre parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Le Bangladesh, ça, apparemment, c'est une des terres. Pas que le Bangladesh, mais il y en a beaucoup, énormément au Bangladesh. Et c'est pour ça que, effectivement, on va au devant de guerre, pas les guerres auxquelles on pense avec un État contre un État, mais par rapport au fait que comment on va faire pour gérer cet afflux de population qui vient chercher une espérance, un avenir sur une terre qui, hélas, n'a rien à lui proposer. Je suis désolé. Alors, on n'a pas beaucoup. On est très noir, mais on a encore quelques petits thèmes à aborder, mais pour la conclusion, parce que il est déjà 21h51. Il nous reste à peine 9 minutes. C'est beau. Donc on va se laisser le temps de la réflexion sur un petit break là, et on se retrouve juste après pour une conclusion. C'est-à-dire que messieurs PJ et Gaël ne repartaient pas dans ce débat théologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a quand même appelés pour venir alimenter cette émission. Eh bien, je ne tiendrai plus. Je laisserai conclure avec grande joie Lou, ah oui, qui aura vrai. Des choses à dire. Bah, exactement. Et à mon avis, c'est le plus intelligent à faire. C'est une très bonne idée. Je pense qu'on va laisser les 5 minutes de la fin à totalement à Lou. Ça nous débarrasse. Merci. Ouais, tu veux merci. La patate chaude. Non. Donc on se retrouve dans quelques instants pour une conclusion de Miss Lou. Voilà. À tout de suite. Hello. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was like 6'9", so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall, and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases, never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, while the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, but you're in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, got sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 bar. I wish I had a brand new car, so far I got this hatchback. And everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. I'm Figaro, when in my car, I can't even get get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know I take the 110 into the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles. And these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat, 6'4" baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday. And you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, the Owl, the Rain. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" baller. On est de retour. Quelle musique. C'était pas mal. Ah ouais, ouais. J'ai ressorti des ça, ça change un petit peu de, ouais, comment de ce ça qu'on a l'habitude. C'est old school, ça. Ça s'appelle c'est I Wish. C'est I Wish de... Tu I souhaites wish quoi de, oui, de Skilo. Skilo. D'accord. Skilo. Ok. C'est pas un stylo, c'est Skilo. Ok. All right. Alors. 4 minutes. 4 minutes. Lou, c'est à toi. Oui, bah ça y est, préparez-vous à m'entendre pour un petit moment. On a entendu plein de choses, on a abordé plein de thèmes très divers. Je sais que bon, malheureusement, déjà on le voit dans l'heure des loups, une heure ça suffit pas, là deux heures je pense que ça suffit pas non plus pour tout brasser, mais ça dépend. Ça dépend du sujet, mais non, non, non. Il y a des choses à dire. Ah, on en a toujours. Capot, hein. Bah, si tu veux savoir, mais ça, je pense que tu le sais, notre dernière émission sur le véganisme, je suis sortie frustrée parce qu'on a à peine effleuré le sujet. Voilà. Donc, je pense que là aussi, on pourra en refaire une sur le véganisme. Ah, si, si tu te sens frustrée, il n'y a pas de problème. Mais on n'a parlé que d'alimentaire parce que c'est le véganisme, ça va beaucoup plus loin. Mais bon, là n'est pas le sujet, même si ça peut rejoindre. J'ai essayé de vous orienter un peu sur l'histoire du spéciste et tout. On n'est pas en train partie, de se défendre ou d'attaquer. Non, non. On n'est pas. Donc, on a entendu plein de choses, on a écouté plein de choses, mais bon, c'est vrai que peut-être que les auditeurs sachent un petit peu pour la fin pourquoi le choix du thème. C'est parce que des écologistes, dont Frank Fenner, a dit en 2010 qu'il ne donne pas 100 ans à l'humanité, parce que, comme on l'a vu, hein, on se reproduit trop, on prend trop de place, on consomme trop, donc pour le moment, on est sur un constat un peu négatif de où est-ce qu'on va et surtout qu'est-ce qui va se passer si on continue à agir comme ça. Après, je pense que je peux apporter une note de positivité dans l'optique que je vais rejoindre un petit peu l'idée de Gaëlle sur le colibri. Il faut essayer. Il faut essayer à notre échelle avec des petits gestes au quotidien. Par rapport, par rapport à la consommation d'eau, par rapport à la gestion des déchets, par rapport à plein de choses. Hein. C'est des petits gestes petit à petit. Mais je pense que s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Même en ce qui me concerne, je ne suis pas parfaite. Je suis là pour donner de leçons à personne. Mais j'essaie de faire évoluer mon mode de vie pour... produire moins de déchets, pour avoir un mode de vie plus respectueux, pour être en transition même vers le véganisme. Alors je vais peut-être pas parler d'alimentaire, mais tout ce qui est le reste, tout ce qui est un petit peu la philosophie moins compliqué, oui, dans une philosophie de vie plus juste. Après, c'est vrai qu'on a parlé, c'est des sujets qui, je ne sais pas si vont intéresser tout le monde. Hein. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. On espère sincèrement que ça vous intéresse et que ça vous aura intéressé. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans des territoires divers, d'ailleurs, je vois le temps qui défile, il y a des personnes qui sont là à se poser la question de leur survie directement. Pour le moment, là, ce n'est pas une question de survie direct pour nous, même si ce sera la survie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, si tant est qu'on en ait. Enfin, vous en avez, mais moi, pas encore. Hein. C'est loin d'être décidé. Et comme le disait si justement PJ tout à l'heure, on a le luxe de se poser des questions, ces questions qu'on se pose pour nous, pour vous, pour tout le monde, si ça vous intéresse. Donc, si vraiment vous avez les mêmes constats que nous, hein, je sais que le sujet peut porter à dire ah, puisque c'est comme ça, on n'a qu'à se tirer une balle. Moi, je dis non. Il faut essayer. Il faut tenter le coup. Il faut se renseigner. Il faut voir ce qu'il est possible de faire, même si je ne sais pas si ce sera possible. Je ne sais pas si l'humanité va s'en sortir. Mais moi, au final, je voudrais dire j'aurais essayé. Et je pense que c'est là-dessus que je vais m'arrêter tout doucement. Il faut essayer. Si vous le voulez, renseignez-vous, même renseignez-vous auprès de nous, en 03 29 62 40 40, si vous voulez en savoir plus. Mais il y a des manières alternatives de vivre, plus respectueuses avec l'environnement, avec le futur. Et voilà, dans tous les cas, c'est possible. Et on peut lancer aussi un appel en parallèle pour nos prochaines émissions. Parce que je pense que c'est un lieu de réflexion, enfin un moment de réflexion. Un cercle de réflexion. Un cercle de poètes disparus. Non mais c'est vrai. Mon capitaine. C'est un moment un peu déconnecté du quotidien qui nous permet de prendre un peu de recul et au moins avec nos moyens assez faibles. Sortons le compas et la truelle, si je peux oser, et essayons un peu d'une certaine manière de réfléchir à un meilleur avenir. Ouais, mais dans le sens où on peut. On rendra qui comprendra dans les textes que j'aurais, dans les mots que j'aurais utilisés. Mais il faut qu'on. Il faut. Non, moi, mon idée, c'est un peu dans l'appel de Lou, c'est aussi penser à essayer d'élargir le cercle là. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui gravitent peut-être autour de Gamezo qui ont aussi éventuellement quelque chose à dire autour de la table du débat des hauts. Et voilà. Donc je lance un appel. C'est plaisant de les avoir. Et Gaël aussi, je te demande, parce que je rappelle que Gaël est quand même l'animateur vedette de Radio Cristal. Vedette, n'allons pas jusque-là. Mais toi aussi, autour de toi, tu as des gens qui gravitent, qui sont peut-être oralement plutôt à l'aise et que tu peux faire venir pour participer au débat. En off, j'essaye. Non, mais c'est vrai qu'on... Voilà, alors, je remercie Lou ce soir particulièrement parce que... D'une grande patience et surtout, elle nous a amené sur un plateau un super sujet. C'était son sujet ce soir. Bon sujet. C'est pour ça qu'on l'a laissé faire cette conclusion. Et on espère qu'elle va nous trouver des autres sujets. On avait dit la dernière fois qu'on mettrait en avant le sujet de la fois suivante à la fin de l'émission. Ce mois-ci, on n'a pas vraiment décidé quoi que ce soit. Donc, je vais décider maintenant. Ça sera le tome 2 du véganisme. Prochaine émission, tome 2 du véganisme. Attends, si près. Ouais, si près, si tôt. Le 13 décembre. Je sais plus. Ah. Je te laisserai l'annoncer, tu es là tous les jours. Retrouvez donc notre ami Lou de 18 à 19 en direct des studios de Radio Grimoso. Elle est peut-être pas là, elle est peut-être au Japon avec ses oreilles de... Non. Non, elle est peut-être à la Bresse pour rencontrer Nicolas Mathieu, le nouveau prix Goncourt français. Oh, bah on verra. Bon, en attendant, on rend l'antenne parce que sinon le replay va pas passer dans l'heure. On va se faire taper sur les doigts là. Voilà. Allez, à la prochaine. À très très vite. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao.